lundi douteux. Chaque lundi, depuis 10 ans, au pub Brouhaha, 5860 avenue de Lorinier. Chaque semaine, un film louche, un humoriste de la relève, l'enregistrement en direct de 70% et un set de VJ invités. Les lundis douteux. Apporte ton sourire et tes cousines, puis dis-leur que c'est toi qui paies parce que c'est gratis. Ici Jean Perron. Si vous voulez être informé au niveau du sport, écoutez 70% et vous allez tout savoir que... En tout cas... Et en manchette ce soir, alarme, klaxon et ceinture de sécurité. Et pour vous parler encore une fois de météo, j'imagine, vos chroniqueurs, Mathieu Boudreau, Simon Cussonnet, Mathieu Portelance, Arnaud Audette, Étienne Lapointe, Simon Payton, ainsi que notre invité JF Cantinal en direct du Bois. Vous êtes en présence de 70%. 70% pour 100%. 70% pour 100%. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude Ayrnay, qui accro tout comme vous, savoure présentement 70%. Bonne écoute. Merci beaucoup, Jonathan Simon à la console avec Stéphane Mallette. Salut tout le monde, mon nom est Tommy Godette. On est à 70%. Grosse semaine de la fête nationale. Il est arrivé la polémique. Je pense qu'il faut qu'on en parle. Je l'ai vraiment trouvé très drôle. Ben moi, je... Chris. Moi, tu sais, là, il y a comme... Une tempête dans un verre d'eau. Oui, mais ça, au Québec, je sais pas ailleurs comment ça se passe, mais je sais que nous autres, on est bons là-dessus. Ouais, et là, il y avait comme des parallèles entre les esclaves et les personnes de couleur qui poussaient un chariot allégorique sur lequel chantait Annie Villeneuve. La grosse différence entre les esclaves et les personnes qui poussaient le chariot, c'est que les personnes qui étaient là, qui poussaient le chariot, étaient là de leur plein gré. C'est donc quelque chose qui est quand même beaucoup différent que d'être un esclave, je pense. Ouais. C'est sûr que si on veut faire une Saint-Jean multiculturelle, il faut impliquer tout le monde et peut-être que c'est un petit peu comme... Ben, c'était tout croche un peu de la manière d'impliquer le monde. Mais Chris, sinon tout ce qu'il y avait autour, c'était... Des vieux blanches avec des uniformes blancs. Mais au-delà de la couleur, Bruno, tu vas prendre les jeunes hommes en forme. Mais c'était difficile de ne pas le voir. C'est comme si... Ça flash, il y avait du blanc, du bleu et un peu de noir. C'est comme s'il y avait mis un black light dans la place. C'est qui pousse le chariot? On ne voit pas. J'ai trouvé ça pas mal drôle, moi. Mais je pense qu'effectivement, c'est pas d'avoir le plus grand respect pour les esclaves d'autrefois que de, tu sais, il y a une grosse, le consentement, c'est sexy, là, ça arrive même dans les chariots de la Saint-Jean, ça aussi. Il y a eu une époque, c'était nous autres qui poussaient le chariot. Ben oui. Le petit qui naît de la terre, là, qui n'était pas trop colonisé, là, puis c'était lui qui poussait. Là. C'est nous autres. C'est là que c'est l'anglais que tu étais sur le chariot. Ah, ben d'ailleurs, je pense qu'on va l'applaudir tout de suite. Merci beaucoup, JF Cardinal, mesdames, messieurs. Merci. C'était pas prévu. J'ai vu mon nom sur la pancarte en entrant. Je m'en rentre, ça va sûrement être bon. Ben oui. On salue Justin Saint-Pierre qui était supposé être là. Des circonstances extraordinaires. J'ai entendu dire qu'il y a un nécromancien d'impliqué. Et là, ben, c'est ce qui explique qu'il n'est pas là ce soir. Mais bon, on a quand même un remplacement de qualité, un douche-bag en plus. Ouais. Douche-bag, oui. Oui. Absolument, je suis là. Oui, mais j'ai monté. De gradé. Les grades, hein, c'est ça. Grades. De 4 pouces à peu près, je dirais. Sinon, ben. C'est assez pour faire une chute. Toi, JF Cardinal, là, t'es bassiste. Oui. Est-ce que vous avez comme des mots entre vous autres? Parce que Bruno aussi est bassiste, Mallette aussi est bassiste. Oui, on a comme. Qu'est-ce qui se passe avec les bassistes? Boudreau aussi est bassiste. Qui ça? Boudreau. Boudreau, il est tout. Ça le seul pas, mot que j'ai, c'est. Non, mais c'est vrai, là. Pourquoi tu serais bassiste là, puis pas drummer, pianiste? C'est ça, c'est Real Killer. Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi, là? Ma première réaction, c'est pas un autre. C'est à toute ça, fois hein? que je rencontre Élise, « Hey, tel gars, oui, qu'est-ce qu'il fait? Il est bassiste, pas un autre. Ouais. » Non, elle m'en parle d'un autre. « Oui, il est bon, oui, qu'est-ce qu'il fait? Il est bassiste, pas un autre. » Il y en a plus. Parce que quand j'ai commencé à jouer, c'était rare. J'étais dans un band où je jouais du drum, moi. Il n'y avait pas de bassiste, mais on dit, OK, prends une bass, tu joues de la bass. Là, j'ai appris à aimer ça. Mais tu tombais bassiste comme ça, il n'y a personne qui voulait être bassiste, c'était plat. T'es en arrière, t'as pas la guitare, t'as pas le drum. Tu sais, le drum, c'est la grosse quincaillerie, c'est le fun. Ben oui, toute la bande est occupée à travailler pour toi. C'est ça, puis là, les guitares font le solo, ça paraît bien, le bassiste. Un solo de bass, hein? Les Claypool, puis tout. As-tu comme des idoles de tout ça? Ça t'es-tu déjà arrivé dans le fond? Ben, j'aime bien Stanley Clarke. J'ai regardé ça. Mais les regarder, ça me complexe un peu. T'sais. Ils sont tellement bons. T'es toujours porté à te comparer. Ah, ben oui, surtout entre bassistes. Oui, ça fait que je regarde, mais pas trop. Fait que dans le fond, les bassistes, c'est un peu comme des chiens d'intérieur. C'est ça. Entre vous autres, vous vous remarquez tout de suite. Puis là, il y a comme des. Ben, c'est parce que c'est ça. Puis c'est bizarre quand il y en a plus qu'un aussi dans le monde. Oui, oui. C'est comme. S'il y avait un ben, je pourrais la faire, ça, tu c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que tu fais là, lui? Pourquoi qu'on a besoin de deux gars pour faire un riff de bass que je suis capable de faire en plaçant mes doigts de même, tu sais, comme... Sinon, ben, toi, JF Cardinal, ce qui t'a mis ça à map, c'est Les Parfaits Salauds jadis. Oui. Hey, sacrée belle aventure. Ça, j'aime beaucoup cette bande-là. On partage ça, moi puis mon père, comme on partage de l'ADN puis d'autres affaires, là, mais je veux dire... j'ai tout le temps beaucoup aimé Les Parfaits Salauds. Oui, j'ai fait partie des Salauds. De 89 à 96, j'ai fait pas mal tous les albums. On est revenu, on a fait un autre en 2006 qui a connu plus ou moins de succès. Je ne savais pas ça. Ben c'est ça. C'est un peu la problème avec cet album-là. Comme tu dis, hein? Et puis, non, j'ai fait les meilleurs bouts. Beaucoup de vidéos, des tournées à la planche. J'ai beaucoup, beaucoup aimé mon expérience avec les Salauds. On a fini avec la Salaud Plumerie. On a fait un an de tournée avec Plume. Oh, et cool. Ça, on a eu du fun. Ça devait être pas pire, hein? Oui. Des salauds avec Plume. Mais vous n'étiez pas vraiment des salauds. C'est de la fausse représentation. Là. Oui, oui. Mais ben, le nom, il venait de... Il y avait un membre du band qui avait lu un livre sur Ferdinand Céline. Et à l'époque, durant la Deuxième Guerre mondiale, Ferdinand Céline, pour les Français, on le traitait de parfait salaud, vu que son lien avec les Allemands. Et c'est ça, le guitariste a lu ça. Il dit, tiens, quel beau nom. Et il applique ça à nous autres. Et là, on se promène en tournée, on arrive à des places, on leur faisait peur avec notre nom. Là. Ben oui, là, ben ils nous attendaient avec des boucliers, puis toutes sortes d'affaires, puis des bouteilles d'eau. Surtout pas de bière, donne-leur pas de bière. Non, surtout pas, allume-les pas. T'sais. Mais là, ils nous voyaient arriver, puis ils se demandaient, est-ce que c'est vous autres? Oui, c'est nous autres. Là, ils se regardaient, OK, il n'y a pas de danger. Là. On fera pas de quoi gamer, c'est ça. Non, il était découragé. Il était même déçu. Ben même en même temps, c'est peut-être. Un petit peu contradictoire parce que s'il y a quelque chose qui devrait. Si, ouais, ouais. Mais s'il y a quelque chose qui devrait être prévisible, c'est la perfection, genre. Oui. Tandis que des salauds, si tu peux les voir venir tout le temps, ben ils sont moins salauds parce que tu peux prévoir les coups. Oui. Donc si t'es parfait et un salaud, il y a quelque chose là, qui ne marche pas. C'est ça. Une scotomie, quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui ne clique pas. J'ai hâte de savoir pourquoi. Mais Bruno, il dit parfaitement imprévisible. Oui. Ouais. T'es pas de même, toi? Non, pas du tout. OK, je suis correct. Bon, on te voit venir depuis le début, là, quand même. C'est le boss. C'est à vitesse que j'arrive. Le temps de prévoir le coup. Sinon, ben, est-ce que tu joues à Magic, GF? Non. Souvent, tu joues de la musique pour nous et je voulais t'en remercier en avant de tout le monde. Souvent, tu n'as pas de micro. Ben oui, on peut l'applaudir. Ben oui, ben oui. Merci. Il est là. Tu joues avec Marianne aussi. Tu es sur son projet personnel. Oui, Jocelyn. Tu viens faire, ben oui, avec notre sieur Terrien aussi, à qui on souhaite le mieux. Sinon, c'est rare que tu aies un micro pour parler et ce soir, j'aimerais que tu nous fasses un indicatif. Oh, moi? Ben oui. Là? Ben, tu sais comment ça marche, ça? Ah, tout tape. Ça tape tout le temps. Ici Jean-François, le super douchebag de Brouhaha et des douteux. Voilà. Ah, t'es sûr? Je voulais faire le changement des autres. OK. Je vais recommencer. Je voulais pas le dire. C'est la non, ben, OK. Ouais, OK, Jean-François, des douchebags qui vous accueille aux douteux avec les 70%. Je voulais faire... Merci. C'est correct. Ça devrait passer. Puis toi, vous appelez 100%. On a parlé de politique un petit peu tantôt. Les Parfaits Salauds, ça a été quand même dans une époque qui était assez, comment je pourrais dire, ça a brassé au niveau politique à l'interne. Là. T'es-tu comme calée nationaliste? As-tu une position là-dessus? Est-ce que tu préfères Justin Trudeau quand il met une chemise ou un t-shirt moulant? Justin, j'ai tellement... De respect. Aimé son père. Je l'ai tellement adoré. Moi qui étais un fan de René Lévesque, je ne pouvais pas le sentir. Fait que là, tu avais pète, puis aujourd'hui, tu as tipette. Et voilà. Et voilà. Moi, j'aime bien désolé, Justin. J'aime bien François Pérusse qui dit que Justin Trudeau, c'est justement ça. C'est Justin Trudeau. C'est ça. C'est descendance de l'autre. T'sais, fait qu'on va te mettre le chapeau de cowboy. Ben, sinon, yeah! Tu sais comment ça marche, 70%. À partir de maintenant, tu as un micro. C'est hypnotisant, ce roue-là, pareil. Oui. Continue, je ne parlerai plus. Là, il y a des chroniqueurs qui vont passer. OK. Ça me semble que j'aimerais malade, ça d'essayer hein? Une grandeur. Attends, on laisse-tu faire le show, on regarde ça à la place. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez entendre à la maison les auditeurs, mais c'est une roue de hamster. Avec un bouchon. C'est Manette qui nous a amené de quoi jouer. Okay. Ça fait vraiment travailler l'intérieur. Je peux-tu essayer? Est-ce que c'est une métaphore de quelque chose? On va le découvrir. Je pense qu'on va passer au reste du show. C'est le rythme effréné de, de la vie qui ne se termine pas. Ah non, c'est correct. On peut les prendre pour acquis. OK, let's go. On commence les chroniqueurs, s'il te plaît, Jonathan Simon. Jusqu'à l'explosion. Voici maintenant les manchettes internationales avec Bruno Corbin. Ça fait 5 ans qu'on l'a, cet indicatif-là, je pense. 6 ans. 6 ans pour... L'explosion de vitre à la fin. Alors, on se transporte tout de suite en Algérie où un homme a tenu un bébé par son T-shirt pour le suspendre par la fenêtre d'un appartement au 15e étage. L'homme a pris ses actions en photo, photo qu'il a publiée sur les Facebook, affirmant « 1000 likes ou je le lâche ». Michael Jackson. Suite à plusieurs plaintes envoyées aux autorités, l'homme a été arrêté, affirmant suite à son arrestation que c'était une joke. C'est jambon dans mon t-shirt! C'est jambon! Blague que le juge n'a pas trouvé assez drôle pour ne pas le condamner à 2 ans de prison. Il l'a ri! 2 ans de prison? 2 ans de prison. Pas super, ça. Non, mais je veux dire, c'est quand même... Ça donne à réfléchir sur ce qu'on fait avec notre Facebook, là. Comme par exemple, mettons, mettre la vie des gens en danger avec notre Facebook. Pas une bonne idée. Dans la catégorie, la colonne. À côté. Pas ouais. Une bonne idée. Ben même si c'est pas pour Facebook, ça, à rigueur... T'as pas besoin d'avoir Facebook d'impliquer pour ne pas mettre la vie d'un bébé en danger, je pense. Non, mais je vois pas vraiment l'intérêt de pas le faire si c'est pas pour pas le faire sur Facebook. C'est ça, des likes dans le vide, genre. Ouais, c'est ça. Je like ta chronique, Bruno. Merci. Toi, tu likes-tu? Oui. Okay. OK, c'est bon. On passe à l'autre. À 2 likes, je continue. Ouais. Un citoyen britannique... un citoyen britannique ayant vu passer une photo de sa reine, notre reine à tous, sur Twitter, où elle est assise sur le siège arrière d'une voiture ne portant pas sa ceinture de sécurité, a décidé d'appeler les autorités afin de les informer de la situation. Étant probablement soit inquiet pour sa sécurité ou voulant la mettre dans le trouble. Fuck it, donne-tu une étiquette qu'elle paye pour les hôpitaux elle aussi. La reine, malheureusement, ne devra pas payer l'amende pouvant aller jusqu'à 500 livres pour une telle infraction, car la loi stipule qu'elle ne peut être poursuivie pour des causes civiles ou criminelles. C'est vrai, c'est la défense de Lise Thibault. Ben voilà. Parce que si ça sert à quelque chose d'être reine, tu sais, ça peut servir au moins, tu sais, ça sert à ça, là. Elle était vraiment hot dans la Deuxième Guerre mondiale. Ouais. Elisabeth, là, en 1935. Là. Ah, on l'aurait regardé. Ah oui, c'est elle sûr. Elle a pompé son peuple. Ah. Ah, ouais. Ça m'aurait pas dérangé de la regarder dans ce temps-là. Ouais, c'est ça. Bien dit, Bruno. Ouais. Let's go next. Oui, on s'en va maintenant dans un Human Interest Story. Dans la maison de Jerry Lynn, tous les jours, une alarme venant de l'intérieur des murs se fait entendre à 7h50 à l'heure normale et 6h50 à l'heure avancée. L'homme raconte l'historique de cette alarme, affirmant qu'il avait attaché un réveil matin à une corde avant de le passer à travers un conduit de ventilation au deuxième étage de sa maison. Mettant une alarme qui allait sonner dans 10 minutes, l'homme avait l'intention de se servir du bruit afin de savoir où percer un trou pour passer le câble de la télévision. Mais l'alarme est tombée de sa corde. Lynn a quand même pu percer son trou utilisant le son de l'alarme, mais ne pouvant pas atteindre l'alarme, a dû subir l'alarme suite à ça. L'homme s'est consolé en se disant « c'est pas grave, elle va passer au travers de ses batteries d'ici quelques mois ». C'était en septembre 2004. Ah là là. Paraît qu'on s'habitue. Ben oui, c'est vraiment drôle. 2004. Ben le plan était bon, c'était juste la corde. Hein. C'était, ouais, c'est il aurait dû faire affaire avec le gars du t-shirt avec le bébé pour faire accrocher des ça. Affaires. Ben ouais, c'est ça. Ben ouais, ben ouais. Ou demander des likes sur Facebook avant d'accrocher son cadran. Mais en 2004, c'était difficile. Ouais, je sais pas s'il y avait. Ouais. Merci beaucoup, Bruno Corbin, mesdames, messieurs. On va le revoir plus tard dans l'émission. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des likes? Qu'est-ce qu'on ferait pas pour des likes? Qu'est-ce que t'as déjà fait, toi, pour un like? Rien. J'ai rien fait, je t'avoue. T'es pas très 2.0, toi. Non. Si on veut suivre les aventures de JF Cardinal. Vous pouvez aller voir sur mon site. Likez si vous voulez. C'est ça. Content. Suivez-moi, des fois, il y a du monde qui me tague. Qui m'aime me suivre. C'est bon, bonne attitude. Merci. Hey, je pense qu'on est prêt pour le prochain. Oui. Let's go, Jonathan! Tout le monde au Québec! Salut! Hey, bonne fête Québec, c'était le fun, hein? T'as-tu eu du plaisir? Oh, on a joué à Magic, puis il y avait de la bière. Moi, j'ai mangé de la poutine, puis j'ai eu un empoisonnement alimentaire, puis j'ai chié. Après, pas tout en même temps, là. Non, juste toute la situation. T'es allé dans l'ordre chronologique, là. Oui, okay, mais bon. Ouais, c'était le fun. T'as passé toute la journée à chier la même poutine? Oui. Mais comment tu fais? Ben, c'est parce qu'à un moment donné, mange une poutine qui est pas bonne. Ouais. Tu vas avoir mal à ton pays. Puis il va saigner à chaque fois que tu t'essuies. Donc, Ben, c'est pas quoi, la première fois, mais genre comme à partir de la deuxième. Non, pas au premier coup, ouais, là. Après 8, là. Ouais, c'est ça. Tu ça commences un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon. Oh j'ai déjà été là, moi aussi, même. Trêve d'anus. Oui, amène-nous. C'est ma dernière visite sur occulte.net. Parce que, ben, c'est ça, il y a beaucoup de gens... Avant de commencer à voler tes chroniques sur un autre site web. Ben oui, Chris. Est-ce que tu as reçu une réponse sur d'autres messages que tu as envoyés depuis? À part le gars que son adresse email n'existait plus. C'était très drôle. Non, ils ne me répondent pas. C'est comme si ils se foutaient de leur post, Ou les entités trouvaient qu'ils en savaient trop. Ah, c'est ça. Ils sont tous allés les prendre. Ils sont tous morts. Ça se peut. Donc, toute la gang. J'étais dans la section secte maintenant. Donc, spécial Québec en plus. Donc, on commence avec Anne-Sophie de Chicoutimi. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie et lorsque je suis née, je faisais déjà partie d'une secte. Mes parents aussi l'étaient déjà à leur naissance. Nous faisons des rituels sataniques, des processions et plusieurs autres choses. Tu sais, comme chier, pisser, se faire des amis, découvrir Corey Hart. J'ai pris conscience il n'y a pas longtemps de la gravité de la chose et j'ai tenté de me sauver. Maintenant, il est trop tard. S'ils me retrouvent, ils vont me tuer. J'espère qu'ils ne prendront jamais conscience de ce témoignage. Répondez-moi! J'espère que ce n'est pas son vrai nom. Alors, je lui ai répondu... Tout le monde, sauf quelqu'un qui peut m'aider. Ouais. Genre, voyons, quelqu'un pourquoi volé à son secours. Aidez-moi, Internet! Alors, je lui ai répondu... Salut, j'ai pris conscience de ton témoignage, papa. Ah là là! Pas de réponse. Je l'ai tué. On continue avec Isa de Montréal. Et son email, c'est Inc. Je sais pas. J'ai pas pu y répondre à elle. Non. Mais quand même. J'ai donc l'histoire. J'ai une de mes amies qui fait partie d'une secte, mais elle dit que ce n'est pas vrai, que c'est une église mais je suis allé voir une fois avec elle et il chantait et dansait avec toutes sortes de choses. Et quand elle nous parle, des fois, elle parle bizarrement. Fait que clairement, c'est une fille qui a jamais regardé Belle et Bum. Là, y a, là, on a eu... Hey, il chante pis il danse, c'est une set! Appelez le président du monde et arrêtez-les tous! Le télétobisme. Mais c'est toujours avec des choses. Autre chose, des choses. Choses. Ouais, une table, une chaise. Ouais, les tabarnak. Un escabeau. Donc, on continue avec Marcou Patrice de Saint-Jean-de-Chrysostome. Saint-Jean-Chrysostome, je sais pas. Chrysostome. Chrysostome. Ben, lui, il a écrit Chrysostome. Il a écrit Chrysostome? Ah, excusez, ça doit être une autre ville, là-bas. Hein? Donc, l'histoire. C'était il y a quelques années, à mon école, il y avait des filles bizarres qui n'arrêtaient pas de me parler imbécilement de sujets. Je... Je les trouvais belles, mais elles avaient quelque chose de très étrange. Un jour, alors, je me promenais avec deux de mes amis. Quand je les ai surprises allumant des bougies, parce qu'excusez, il y avait beaucoup de S. Ouais, ouais. Moi qui ai toujours fumé, j'étais habitué de voir du feu. OK? Ouais. Donc, il a pas peur du feu. Il a surprise en train d'allumer des bougies, là. Mais lui, avec son instinct de fumeur. Ouais, ouais, qui avait déjà vu du feu. OK, il est comme, c'est beau. Je fume. C'est ça. Je connais ça. Je sais ça, que c'est du feu. C'est du feu. Mais, mais je n'avais jamais vu de monde se brûler les doigts par exciprès. E-X-C-I-P-R-E, accent grave, S. Là, là. Exciprès. Wow. Une autre fois, je les ai vus leviter une fille. Elles n'arrêtaient pas de parler de leur dieu. Elles m'ont hypnotisé. Un soir. Hypnotisé. H-I-M-N-O-T-I-S-E, accent aigu. Ouais. Calvaire. Un soir, alors que je me promenais avec Mopin Copain, je les ai vus faire une sorte de rituel. Elles étaient habillées avec une toge. J'ai eu très peur. Alors, je lui ai répondu, « Salut Patrice, fais attention, tu es clairement encore sous hypnose. » Donc, Mais attends un peu, là, je viens de penser à quelque chose. Si toutes les emails que tu as répondu à date, t'as pas eu de réponse, puis t'en as eu une réponse juste de un que l'adresse marchait plus, ça veut dire que toutes ces adresses-là marchent encore. C'est vrai, ça. Fait que... Ben, il y aurait eu des réponses. Ouais, non, c'est vrai, j'aurais eu des emails de jeunes existent. Fait que je vais peut-être en avoir un jour. Tu es au courant? J'aimerais ça en crise. Ben, excuse-moi, continue. Ça serait un bon dialogue. Donc, il y avait presque plus rien dans la section secte, côté Québec. Fait qu'il a fallu que j'aille dans autre. Des fois, je vais piger dans autre. Fait que là, j'ai pigé dans autre pour une dernière fois. Et attention, pseudo Lynn, prénom Desforges, ville, 6450 boulevard Laurier-Est. Pays Québec. L'histoire. Il n'y a pas d'histoire. C'est très réel. J'ai eu un chum. L'auteur de mes peurs. L'explication. J'ai la misère à l'expliquer. Tout ce que je peux dire sur mes objets, cadre, lampe, roche photo, mon linge, j'avais des visages, même sur mon corps j'en ai. Bref, dernièrement, sur mes objets très bizarres, j'ai filmé cet objet. Mon Dieu, au secours, délivrez-moi du mal. Je vois arrière-plan des gens qui font amour. Plein de personnes. Sur la roche, quand je l'ai filmé, il est sorti, est à côté de moi comme une ombre. Je filmais mes photos. J'attends à parler. Chez lecteur, c'est quoi ça? J'ai peur. Il me poursuit tout le temps. Conseil serait apprécié qui peut me donner un numéro de téléphone. Car qu'est-ce que dit, je peux le prouver grandement, merci. Fait qu'elle, fuck off, j'y ai pas répondu. Ben non, mais là, il y a des limites. Tu vas aller chez eux cogner, plus. Puis, non, c'est pas laisser ton numéro de téléphone. Je vais aller filmer ses photos, moi aussi. Ben là, moi aussi, filmer mes photos, j'ai trouvé ça vraiment épais. Il apparaît des visages. C'est un peu poétique, en fait, je trouve. Il apparaît des visages sur mes photos de gens. Oui. Fait que c'est ça. Babayocult.net. Merci beaucoup, Arnaud, s'il te plaît. Arnaud Audette, mesdames, messieurs. On l'appelle DJ Audette, des fois. Il est à Arcade Montréal chaque fin de semaine. Là. Abonnez-vous à son Facebook. Vous allez avoir votre dose de racisme léger une fois de temps en temps. Sinon, ben toi, ça va, JF? Oui, ça va. Écoute, j'ai beau écrire des textes, des fois, pour mes chansons. J'essaie d'écrire des fois de... Des choses de les complètement... Les bassistes qui écrivent des textes. Oh, oui, j'écris des chansons. Là. Ah, ben... Oui. Oh, tu vas m'entendre bientôt. Je t'en prépare. Tu veux me faire chanter? Ah, ouais. Non, non, pas te faire chanter. Ah, let's go. Écoute. Tout le monde est... Le monde est prêt. Il y a déjà Élise qui est là, là. Le monde a besoin de ça. Ben oui, je n'en apporterai. Mais en tout cas, je ne pourrais pas inventer de choses aussi... non, je... Si t'es pas un occulteur. Ben là, écoute, j'ai beau vouloir être fou. Non, non, je suis pas capable de m'arranger là. Fais-nous confiance, on va te fournir. OK. C'est bon. Merci. Allez, on passe au prochain, Jonathan. L'espérance, avoir la chance de gagner à la loto. Je ne sais pas s'il faut que je le prenne. Elle ne pourra nous empêcher. Oh là là, les petits Mano. Ah. C'est un 649. C'est un vibrate de loto, hein? Ça fait du bien de rêver, hein? Eric! Oh là là, c'est Eric, hein? Eric, vas-y, rêve. Il l'a signé, oublie ça. Signé. Oh là là, hey! Il croit que je ne vais pas le signer. Oh là là. Hey, ça va bien, les manos? Ah ouais! Hey, c'était la fête, hein, en fin de semaine, hein? Ah ouais. Oh là là! J'étais complètement Tarkin Degen, hein? Oh! Oh là là! Je veux savoir, j'ai une petite question pour vous, les amis, hein? La Saint-Jean-Baptiste, c'est une fête de tarés, hein? Oh là là! Oh là là! Arrêtez de m'emboucaner, hein! Hey, hey! C'est pas comme la fête de la France, hein! Parce que la fête de la France, ça... Oh là là! Oh, oh, oh, oh, oh. Ça tartine! Oh là là! Oh, mais je veux dire, hein! Du coup, vendredi, j'avais pas la pêche à la fête, hein! J'ai dû garder la petite Justine toute la soirée, hein! Et la petite Justine, oh là là, hein, oh là là, voyez-moi ce boucan. Oh, je déteste, j'en ai marre des petits enfants, hein. Elle a volé toutes les crayons de couleur, les couleurs de Bioman. Et s'y met à faire des petits dessins de Bernard Minet par-dessous, par-dessous, par-dessous, par-dessous, tous les murs du plancher où se sont les... Oh là là là là là là. La dernière fois que j'avais vu un tel gâchis, c'est la fois que j'avais piqué mes petites merguez avec une fourchette vraiment vite. Oh là là, le gâchis. Oh là là. Oh, les petites saucisses. Oh, plein de petites... Oh, c'est chaud. Oh, oh, oh, c'est chaud. Oh, c'est chaud. Mioum, mioum, mioum. Plein de saucisses dedans la bouche. On veut pas les gaspiller. Oh là là, non. Les saucisses, c'est encore meilleur que les petits fruits, hein. En fait, c'est un petit fruit. C'est vrai, c'est vrai. Et clairement que la Justine, elle cherchait les embrouilles. Tu veux savoir ce que j'ai fait samedi ou je m'en vais, là? Oh, samedi, c'est pas compliqué, hein? Je n'avais pas marre un peu de la petite, hein? Oh, j'étais là bien tranquille, en train de chanter la sérénade à ma petite sœur. Et là, tout d'un coup, pouf, mes pantalons ont disparu. Hein. Oh là là! Je vous épargne la suite des détails. Hein. Oh, mais c'est chaud, Tommy! Oh là là, c'est chaud! Oh, c'est chaud! Oh, c'est chaud! C'est chaud! Oh, oh, tu es viril, hein? Et dimanche? À la vôtre, hein, les torioles, hein, j'ai pas l'alcool, hein. Ah, le mec est balèze, hein. C'est de la dernière mission, c'est... Oh là là! Oh loulou loulou! OK, dimanche, j'ai gagné le plus grand tournoi de pétanque du sud de la France. Oh! Oh là là! Et du coup, toutes les bombasses n'en avaient qu'après ma miche de... De quoi? De bonheur? Sarrasin. De sarrasin, oui. Exactement. Et il faut faire attention, hein, avec les gonzesses, sinon ils vont... Enfanter? Non! Ils vont te pointer. Ah, OK. Pas de danger que j'enfante avec ma petite sœur, hein. Ah, ça... Alors, si tu te pointes, c'est pas bon, hein. Il faut pas que tu me pointes, hein. Mais il faut pas se manger les couilles non plus, hein. À la vôtre, les manos. Ah, le mec, hein. Il a fini de faire des embrouilles, hein. Si tu continues, hein. Je vais te ramasser les narines, hein. Alors, je voulais juste vous inviter dimanche. On est dimanche. Alors, ça sera pas dimanche. Ça sera une autre date, hein, parce que ce soir, hein, j'étais ici. Je peux pas être ailleurs où vous inviter. Hein. Vous voyez, les amis? Alors, finalement, hein, dimanche soir, bien tranquille, j'étais bien au repos. J'ai pris le temps de chanter un peu la sérénade à ma petite sœur. Et tout ça pour pratiquer ma grande soirée le 8 juillet avec les costauds. Il va y avoir Dame Dorothée et toutes les autres. Hein. Et je vous invite cordialement. Hein. C'est mieux que la fête de la Saint-Jean, hein, parce que la fête de la Saint-Jean, oh lolo! Oh, oh le taré! Hein. Oh lolo! Oh lolo! Oh la bousculade! Hein. Oh lolo! Alors revenez avec moi. Ce soir, j'ai plein de merguez dans ma voiture. Hein. Vous pouvez venir. Merci. Merci, Eric. Merci oh beaucoup. Là là. Je... Attends, qu'est-ce qui se passe le 8 juillet? On va croiser sa sœur, c'est ça? Il y a une soirée merguez. Une soirée merguez. À la rote, sa sœur, c'est-tu elle, là, ça? Dans... Sacre fils. Moi, la Saint-Jean la plus weird que j'ai passée, ça a été à Rouyn-Noranda. On va juste comme ignorer qu'est-ce qui vient de se passer là, puis on va passer à ta Saint-Jean. OK, c'est correct. On n'a pas plus d'informations, Bruno. Quand qu'on va avoir plus d'informations? Moi, je veux aller chercher de l'information spirituelle là, en ce moment. Là. J'essaie de vivre. Tu t'es fait occulter, puis après, tu t'es fait merguiziser. Exactement. Puis là, j'ai comme besoin d'un... Bon, on t'écoute, Bruno. Une accroche spirituelle. Qu'est-ce qui se passe le 8 juillet? Ben, il a raconté sa fin de semaine. Il y a Justine la taquine qui a l'air d'avoir une paire de pantalons de spare, là, si j'ai compris. C'est quand même assez particulier. Hein? Oui. C'est bon, je pense qu'on va passer au prochain. Ouais, c'est quoi la Saint-Jean la plus weird, Tommy, que t'as vécu? Ouais, je te parlais de ça à un moment donné. Allez, let's go, Jonathan Simon. Qui c'est qui vient de la Ferté-sous-Jouarre? Simon qui veut la job à tous les Québécois? Simon qui sonnait. J'en ai battu, mais... J'en ai touché avec... Tu veux voir ma bille? L'Amérique. Ah ouais, c'est bon ça, c'est bon. Pourquoi à chaque fois que c'est ma chronique, il y a des problèmes techniques, c'est marrant ça. Je viens pas souvent, mais à chaque fois vous vous chiez. Mais c'est pas grave. Non, je déconne. Bisous à Jonathan Simon. 4 ans que je suis au Québec. Youpi. Ça fait 4 ans que t'es avec nous autres, ça veut dire? Ça va ouais, bien, là, ça fait ça, un bout quand même, un petit peu. Ouais. Et toi, la Saint-Jean? Pardon? Et toi, la Saint-Jean? J'y viens, chaque chose en son temps, mon ami. Voyons. Ils sont bien pressés. Je suis arrivé à l'été 2013, dans cette période où Guylaine Gagnon embrasait les réseaux sociaux avec son fameux spécial sur les boules, à savoir 2 boules flashées pour 5 piastres, traumatisme non remboursable. une bonne mise en bouche que ce qui m'attendait en termes de culture québécoise. Et regardez où je suis maintenant. Merci. Voilà. Je me souviens, son premier clip qui a pogné, c'était moi au Winners. Au Winners. Ouais, ouais, c'est ça. Je l'avais vu celui-là, filmé ouais. En portrait. Donc, mon corps de DS au Winners. Oh oui, oh. Ah oui, corps de DS. Oupala. C'est une phrase qui se peut juste au Québec. Ça. J'avais déjà passé son porno ici dans un VG7. Ouais. Mais on va pas s'attarder là-dessus. Non. Alors, mais juin 2013 aussi, c'est le scandale de la 8e édition du Rockfest de Montebello, car cette fin de semaine, il y avait le Rockfest de Montebello. Pour ceux qui vivent sous un rocher d'ignorance crasse, le Rockfest, c'est un des plus gros festivals de rock en Amérique du Nord, une espèce de centre d'achat du concert de rock où les bands s'enchaînent sur le stage à un rythme industriel. Mais c'était sympa comme tout. Et cette année-là, donc en 2013, l'organisation avait été un fiasco tellement que les festivaliers avaient improvisé un lac de pisse au milieu de la plaine, vu qu'il y avait eu une organisation un peu à chier. Oh ouais, ça va. Humour de toilette. Non, encouragez-le pas. Ouais. Oh lolo. J'ai fait exprès. Et c'est ça, donc il y avait eu des problèmes d'hygiène, genre les urinoirs qui débordaient le premier jour et ça avait fait une flaque de plein de choses. Et les gens marchaient dedans, c'était un régal, salmonelle, et puis bol. Ah non, mais en fait, la piste, c'est pas mal... C'est pas mal stérile. Hein. C'est ça? Ouais, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. Mais bref. Après, donc, j'avais vu des articles et ce genre de trucs de cette débandade incroyable. Et puis, je me suis dit, avec mon arrogance de fraîchement arrivé, on ne me verra jamais dans ce trou à rats et cet égout qu'on appelle festival. Jusqu'à ce que la programmation de l'édition 2017 tombe. Et vous savez qui était au line-up cette année? Jérémy Gabriel? Oui, Friends Al Romb, le groupe australien de punk rock, dont que tout le monde s'en branle, sauf moi, et je suis dans la merde, parce que c'est un band que je tripe dessus. T'es dans la merde figurativement? Non, parce qu'ils se sont bien organisés cette année. Ah, bravo. Et oui, voilà, Friends Al Romb, hein, un groupe de punk... Friends Al? Friends Al Romb, c'est marqué dessus. Ok, Franz Al Romb, voilà. Et c'est un groupe de punk australien que je vous invite à écouter. C'est parce que c'est pas un t-shirt de Joy Division. Non, voilà. C'est, ok, ouais, c'est pas un t-shirt de Joy Division. C'est ça. Okay. Alors, j'ai pris sur moi et tout, et j'avais craché dans la soupe du Rockfest sans même y aller. Et puis, je me suis dit, oh, si j'ai un moyen d'y aller, j'y vais. Et grâce à un ami proche, qui s'appelle Didier Caramello, que je salue au passage, j'ai pu rentrer au Rockfest 2017. Et j'avais peur, j'avais beaucoup d'appréhension. J'ai déjà fait des festivals en tant qu'artiste, en tant que bassiste d'ailleurs. Et j'ai déjà joué avec les plus grands. Mais je n'y suis jamais allé en tant que, vous savez, ceux qui payent. Et en fait, ma sécurité de bourgeois était ébranlée car je m'attendais à un chaos, une anarchie sans nom. C'est une cohue innommable et on m'a dit, désolé pour l'accent, mais hey, si tu vas au Rockfest, là, tu vas voir le fond du panier du Québec. Je pensais que c'était à l'Assemblée nationale, ça. Hé là là! Joke politique! Voilà. Non, vas-y, vite ton sac, applaudissez-le pour cette joke politique, s'il vous plaît, merci. Voilà. C'est une joke politique merci. Qui est d'actualité, peu importe quand tu l'as fait. Quand vient l'heure du Rockfest, Montebello se transforme. Ça devient un pays à part entière avec un système politique qui serait le savant mélange d'un... Enfin, le fameux résultat d'un accouplement entre une fermière du Moyen-Âge et d'un soviétique torché à la vodka. L'URSM, donc l'Union des Royaumes Socialistes de Montebello. Ce royaume possède un suzerain, l'organisateur Alex Martel, qui vit dans son château, le château Montebello, tout le temps du festival. Et ce qui m'a fait penser que c'était comme le Moyen-Âge, c'est qu'il a plu, il y avait de la boue, et qui dit boue dit gueux. Il y avait du gueux au mètre carré, je peux vous le dire. Et tel des gueux, il ne sentait pas très bon et était atteint de beaucoup de maladies, comme la fameuse... Rockfesto entérite qui consiste à dire Rockfest! Voilà, donc certains sont atteints dans la pièce Merci de vous décontaminer loin d'ici. Ok, et, c'est comme pour rappeler au monde où ils sont. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on essayait, tu vois, on essayait de déclencher avec mon pote des Rockfest. Donc, il y a des gens qui passaient, on faisait Rockfest. Puis les gens passaient, ils disaient, hey. Donc, on en faisait trop. Tu vois, même vous, vous aviez été pris par. Ouais, on a été pris par la fièvre, mais ouais. ça s'est détendu très vite parce que. Bref. Et il y avait aussi la Yes Sir Miller Atos en plaque. C'est très dur à prononcer, ce qui aussi ça fait Hey Yes Sir Miller dès que tu bois une bière, tu sais. Voilà. Et Tu prends comme conscience en direct à TV que ta vie va vraiment changer beaucoup après ces deux dernières journées-là. Et voilà, donc il y a des gueux, il y a des marchands, il y a toute une guilde, tu sais, ça fonctionne comme au Moyen-Âge, hein, les gens poussent de la boue, il y a des gens couverts de boue qui font ah, et puis tu fais non. Et voilà, et donc et toute la ville de Montebello, donc comme je le disais, donc se transforme, devient un pays, donc en plus d'appliquer la TPS et la TVQ, l'URSM ajoute une taxe. La TSF, qui est la taxation des pigeons festivaliers. Là, je me suis un peu chié. Non, excusez-moi. La TPF. Voilà, taxation des pigeons festivaliers. Donc, on peut voir que les prix augmentent. Hein, les places de parking sont à $100. La poutine, pas très bonne, est à 10 piastres. Le café à 3. Les douches à 10. Les toilettes à 3 aussi. Et le terrain de camping va suivre entre $250 le week-end. Les toilettes, tu payais pour aller aux toilettes? Oui, chez les gens, il y a des line-up et tout. C'est ah oui, c'est comme ça qu'ils ont réglé le problème de la puddle de pisse. Oui, fait que là, tout le monde est content qu'il y ait ça dans le cours aussi. Là. Ouais. Continue. Ouais. Et de l'autre côté, le côté socialiste, c'est assez marrant parce qu'on peut y voir une bureaucratie avancée. Donc, toute personne qui doit vendre de quoi doit payer son droit à la mairie et remplir une petite demande de $280, donc ça c'est bien. Et il y a aussi des messages un peu de propagande à droite à gauche. Il y en a un que je cite plus ou moins, c'est « L'achat de bière au sein du festival permet de financer la programmation de l'année prochaine. J'aurais aimé que les gens de l'an dernier consomment moins pour éviter GM Rémy Gabriel cette année. » Et d'ailleurs, ce qui m'emmène vers le troisième acte de ma chronique... La prestation du dit Jérémy Gabriel. Oh, t'as vu ça live? J'ai vu les deux, j'y suis allé, j'ai salopé mes chaussures. Pour Jérémy. Les belles Vans pour toi, Jérémy. J'ai vu d'autres bands cool, mais je pense qu'au vu de l'endroit et au vu du podcast, je vais plus parler de Jérémy Gabriel. C'était une belle prestation. C'était la première prestation. Il y avait une prestation nature et une prestation fromage. Donc... La prestation nature était pas mal. C'était le karaoké par notre ami Jérémy Gabriel. Ouais, je pense qu'on l'a vu en ligne avec du Journey, Niagara. Voilà, il y avait tout ça. Oh, ouais. Bon, une certaine insécurité sur le... sur le scénic, si je peux me permettre. Un inconfort. Beaucoup de gens autour de moi, donc il y avait des gueux, justement, qui disaient... qui voulaient dire, tout simplement, en français convenable, hein, pas celui du Québec, « Diantre, ce personnage m'horripile, je l'aimerais bien lui pitcher quelque chose dans la gueule. Ah, c'est ton culé. » Et évidemment, non, je ne l'ai pas fait. Et lui non plus, d'ailleurs. Mais il y avait d'autres gens qui étaient plus là pour la curiosité. Genre, on les voyait... Découvrir, comme... Jérémy. Découvrir. Il chante ? Bref. Et il chante bien. Il est dans un registre très aigu, ce qui lui permet de faire les parties de voix féminines. C'est le Philippe Karine du futur. Sans doute, il manque la référence, je suis pas là depuis longtemps, donc mais je te fais confiance là-dessus. Philippe Catherine. Ah, Philippe Catherine, d'accord, ouais, excuse-moi, désolé. C'est tout ce métal dans mes oreilles. Attends, d'accord, il en reste. Ah, vachement. donc c'est ça, puis le final, grandiloquent. Hein, la finale, il a fini par son titre que tout le monde connaît ici. I don't care. Qui résonne dans mon crâne et depuis et d'ailleurs deux sur les photos on a vu qu'il y avait un t-shirt oui de il lui. Avait un t-shirt I don't care ouais. Donc la morale d'une belle histoire en général plus tu le dis plus que c'est vrai ouais ouais bah oui tu peux pas trop insister sur le fait que tu t'en calisses ouais. Et il a fini son spectacle et c'est là que je l'ai trouvé incroyable ce petit Jérémy il ira loin. Il a annoncé qu'il allait chanter sa chanson « I don't care » en disant, je cite, « Cette chanson, elle est pour mon ami Mike, I don't care. » Et il balance le tube. Et à ce moment-là, j'ai pris ça dans la gueule, j'ai fait « Ah ! Oh, le petit... Oh, oh le petit con, oh c'est un petit con. Et puis là je me tourne et puis il y avait des gens autour de moi qui étaient pas encore bourrés parce qu'on était jeudi soir, la Saint-Jean, et les gens étaient comme oh mais quel trou du cul ce mec, et en effet c'est un trou du cul. D'avoir dit ça après tout cet épisode, je suis désolé, non ça ne marche pas, genre j'ai demandé 30 000 balles à la McWard et regarde, hein, mon ami, ouais, okay, bref, je passe. Et le lendemain, il y avait la prestation avec Metal Lord. J'y suis allé. Là, il y avait Jérémy, ça c'est le fromage avec Metal Lord. Alors voilà, la version nature, c'était le karaoké, puis la petite crotte de nez à Mike Ward à ben la oui, fin. Ben oui. Et la version métal, parce que c'était sur la programmation, il est marqué Jérémy Gabriel version métal, tu sais. Puis on s'est tous dit, genre, putain, il va arriver, il va faire hey, salut! Mais non, que nenni, ce n'était pas du métal. Je me suis pointé, il commençait à pleuvoir. J'ai resalopé mes chaussures pour toi. Tu vois, même Dieu voulait pas voir ça, genre. Et ce qui s'est passé, c'est que. Je crois que le Ben avait trois quarts d'heure de set et en fait tout le monde, il y avait beaucoup de monde devant la scène et les gens attendaient la chanson. En fait, ils attendaient de voir le feat, c'est le featuring Jérémy Gabriel, Chiquita, yo à tous mes potes qui sont dans des grottes, qui mangent des carottes et qui écoutent Diams. Désolé, oui. Ça. Et en fait, j'attends, j'ai froid au cul, j'ai les pieds mouillés et ça dure et à un moment donné arrive Jérémy Gabriel. La foule s'embrase. D'autres Québécois font... Je cite, il est encore là, lui. Et il chante tout simplement I Don't Care, version métal, sans faire de voix trash. Et il s'en va. À partir de ce moment-là, quand la toune se termine, il y a Metal Lord qui dit « Hey, on va faire une dernière toune !» Et là, tout le monde s'en va. Et c'était ouais. Et ça m'a fait chier pour Metal Lord parce que tu sais pas là, genre est-ce qu'on leur a collé le Jérémy Gabriel, prenez-le, il va faire une chanson métal avec vous, démerdez-vous avec ça, il y a eu pognon, blablabla, tu sais. Bon. Ils ont vraiment comme fusillé la crédibilité en public. Je sais pas, j'en sais rien, je les connais pas les doutes, mais je serais curieux de connaître. Ça dépend, ils ont-tu cassé à la gueule dans le backstage après? Parce que si on fait ça, ils ont pas fusillé leur crédibilité. On est un band de métal, faut que quelqu'un saigne. Jérémy, excuse-nous. Mais fait que c'était pas très bien. Est-ce que tu conseilles mon bilan de l'histoire artistiquement, c'est bien, c'est bien fait, c'est bien ficelé, mais c'est juste que mettons s'il y a un show de Jérémy Gabriel au Metropolis là, dans 6 mois, est-ce qu'on devrait y aller? Avec des pancartes. Si j'ai un conseil à donner, si ça devrait arriver, je conseillerais au Metropolis d'avoir une bonne police d'assurance. Car faire louer un lieu vide, ce n'est pas très intéressant. Il y avait beaucoup de curiosité dans le fait qu'il y avait Jérémy. Ah ouais, surtout, ouais. C'était pas métal, fuck off. Non, en fait, ça jouait métal, c'était juste l'instrumental était métal. Ouais, mais lui, il chantait. Metal. Hey, don't care! J'ai classique. Écrit une tourne dessus! Et après, il s'est en allé, puis voilà. Ouais. En terminant, je voudrais juste remercier Monseigneur Martel dans son haut château de m'avoir payé à moi et à nul autre la venue de mon Ben australien préféré. Et j'ai déjà hâte à l'année prochaine et j'espère que les festivaliers ont bien bu cette année pour pouvoir voir, je sais pas moi, un show métal de Joël Legendre ou quelque chose dans ce goût-là. Merci à vous. Qu'on détruise les barrières. Merci Simon Cussonnet, festivalier extraordinaire. Non, j'y suis allé. Je suis allé, on était au festival, et c'était vraiment un festival de boue. Quand les gens sortaient de là, ils étaient tous habillés de la même manière, ils étaient tous bruns. Ah, ouais. Il n'y avait plus un noir, il n'y avait plus le gris, tout le monde était brun. Tout le monde était brun. Un festival de boue. Toi, t'en as fait pas mal des Saint-Jean? Oui, j'en ai fait, oui. T'as-tu comme une anecdote salée à nous raconter? Oui, elle pas salée. Un an avec plume, là? Oui, avec plume. Écoute, la seule, je peux te compter la fois où j'ai été le plus applaudi, j'ai été ovationné. C'est parce que le show de plume le était quand même... Là. Ah oui, je te jure, j'ai volé la vedette. Le show était quand même assez long avec plume. C'est quand même 2 heures, puis bon, il y avait de la bude à la planche. Là. Et ça donnait le goût d'aller faire pipi. Et puis là, mon directeur de tournée, il me dit, écoute, on était à Trois-Rivières, il y avait un gros stage, c'était dehors. Puis il y avait une toilette. Il dit, gars, entre le show, à la fin du show, puis le rappel, tu peux aller là, expert pour toi est là, tu sais. je suis correct, je vais y aller, tu sais. Là, j'avertis plume. J'ai après le show, là, je vais aller aux toilettes, puis je reviens pour le rappel. Fait que, essaye d'étirer ça un peu, fais quelque chose, tu sais. Il me dit oui. Fait que, je pars, puis là, c'est pas des clottes avec un zipper, c'est des boutons, c'est long. Puis là, à un moment donné, j'entends le monde, puis plume, il a pas attendu. Il a pas attendu. Il a commencé sa tour. Il a commencé, mais là, il manquait le bassiste. Mais il dit, le bassiste, il est là. Il l'a montré, il dit, bassiste, il est là. Okay. Il a la toilette. Hey, c'est vraiment niaise. Oui. Là, j'entendais le monde me crier après. Fait que j'étais en train de pisser, puis le monde t'applaudissait. Oui. Ah, c'est très drôle. Oui. Après ça, ben, je suis sorti de la toilette, je suis rentré sur le stage, j'ai eu une ovation. C'est ça. C'était ma plus grande ovation avec les salauds. Voilà. Bravo, bravo. Merci. Merci à AGF Cardinal, mesdames, messieurs. Je vous raconterai la mienne une autre fois. Ouais, let's go, Jonathan, on passe au prochain. Le film de tête la semaine. Le film de tête la semaine. Le film de tête la semaine. Le film de tête la semaine. Bon, on ramène quelque chose de l'époque de jadis. Je vais essayer de... Parce que moi, j'écris beaucoup de critiques de films. Et ben avant, c'est un petit peu ce que je faisais dans 70%. Je lisais mes critiques de films. À cette heure, ben, on est rendu tellement à plein de chroniqueurs et tout. Mais bon, ce soir, je me suis dit, je vais vous parler de quelque chose d'important. Parce que je vous en avais parlé il y a quelques semaines de la télésérie de Steven Seagal qui s'appelait True Justice, qui a été faite en 2012 et 2013. Et donc, j'ai écouté quelques épisodes et je vous en parle ici. C'est une série de télévision créée par Steven Seagal. Ça comporte 26 épisodes de 40 minutes chacun. C'est souvent monté en deux blocs. Comme, mettons, le 1 et le 2, ça fait un film de 90 minutes. C'est là que ça se suit, genre, tu sais. T'as l'impression d'avoir un long métrage. C'est l'histoire d'une escouade tactique spéciale de Seattle, la dangereuse. C'est dirigé par Elijah Kane, Steven Seagal, un homme atteint d'allergie boursouflante qui n'aura pas encore été consulté. C'est incroyable ce qui se passe dans la face de ce gars-là depuis 20 ans. L'équipe est composée de membres qui rotationnent d'épisode en épisode, donnant une impression franchement ratée d'évolution des tensions et des passions. Un gros kudos à George Takei, dont le personnage disparaît mystérieusement après le deuxième épisode. Et qui est remplacé par une jeune fille asiatique vraiment sexy qui dit que sa petite fille. Là, c'est ça. Des histoires éculées de policiers ripoux, des labos de forensics ouverts au public, des femmes de flics. C'est pas des jokes. Des femmes de flics qui veulent plus d'attention, des gens de la rue, des overdoses d'ados dans des raves filmés par un épileptique qui veut se venger sur les normaux. Mes bouts préférés, c'était certainement les séquences durant lesquelles Steven Seagal, sans aucune retenue, sans aucune gêne, se met en valeur, soit en tant que gars proche des latinos de la rue, soit en tant que musicien fingerpicker country, soit en tant que vieux sage qui a la réponse à tout, même à ce qui n'est pas au courant. J'ai particulièrement aimé le bout, dans le sixième épisode, ils envahissent un entrepôt où ils font de la drogue illégale. Il y a une fusillade, des morts. Là, à la fin, Steven Seagal, il va voir son collègue noir, puis il dit « Check, j'ai trouvé cette capsule de médicaments contre l'emphysème, là. C'est-tu à toi? » Voyons non, tabarnak! Tu sais, il y a... Puis c'était à lui, tu sais. T'as l'emphysème, t'es sûr? Tu sais, asti de calé, j'en revenais pas. Celui que je suis en train d'écouter, parce que c'est pas fini encore, le gars, il fait de l'infiltration, il faut qu'il aille infiltrer des radicaux de droite ariens, nazis pis tout. Puis là, il faut qu'il fume du cristal meth pour prouver qu'il est dans la gang. Puis là, ça a l'air d'être comme une grosse affaire, tu sais. Steven Seagal est allé le voir, t'es sûr t'as rien pris parce qu'on peut en parler, là. Alors, voyons, c'est en tabarnak, tu sais. Calisse, mais bon, c'est super. Lui, il sait tout, Steven, il sait tout, tu sais. Puis là, ben c'est ça, il trouve la capsule dans l'entrepôt. Puis après la fusillade avec plein de morts, là, il va jaser de cigarettes puis de santé à long terme avec le noir. Hey, t'as vraiment comme l'impression que tu te fais parler des vraies valeurs. Sinon, la cinématographie qui fait penser au pire de ce que CSI a transformé en manière routinière de faire. Il y a des flashs vraiment insultants, des angles de caméra qui créent l'événement, des combats vidéoclips, des fusillades sans perspective. C'est vraiment raté à tous les niveaux. C'est weird aussi parce que tous les gars, il y en a pas mal, ils ont l'air de puer. Puis toutes les filles sont vraiment jeunes, tête à 8 sur 10 minimum. Comme dans la vraie vie des escouades tactiques de Seattle, ville de danger. Je suis rendu à 9 épisodes de fait, puis je suis autour de moins 4, moins 5. Là, je le conseille à personne. Mais bon, je vois toutes les finir quand même. Et puis là-dessus, ben, ça devient bon, tu sais. Ça peut devenir bon, ben oui, Bruno, ben oui. Le message là-dedans, tu du monde, ne prends pas de drogue. Non, c'est ça en plus, tu sais. Bon pour la santé. Sinon, ben moi, rapidement, ma Saint-Jean, la plus glorieuse, ça a été à Rouyn-Noranda en 1999. De Rouyn. Je m'en des rappelle Rouyn parce Noranda que on était dans le vieux Noranda, puis là, je buvais de la bière, puis il y avait des amis, puis tout. Puis à un moment donné, il y a du monde qui passe, puis il dit « Hey, venez-vous-en, il y a des Ontariens, ils sont venus voler notre Saint-Jean! » Ça se vole. Tu fais là voler la Saint-Jean, puis là, je les ai suivis un petit peu, puis eux autres, ils voulaient regrouper des gens pour la cause, tu sais. Plus tard dans la soirée, j'en recroise un, puis il dit « Oh, on sait, ils sont à l'hôtel Royal! Ils sont à l'hôtel Royal, on sait qu'ils sont là! Venez-t'en, on va aller leur casser la gueule! » Les Ontariens sont venus voler notre Saint-Jean, là. Rouyn réagissait, tu sais. Un peu plus tard dans l'émission, dans la soirée, j'avais l'impression de vivre un show. Moi, c'était rendu la seule affaire que je visitais, là. Je veux dire, je suivais le monde qui parlait de ça, tu sais, puis le talk, c'était juste ça, là, parce qu'il y avait des Ontariens, il y avait plus de Saint-Jean, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y avait une procession, c'est pas une joke, il y avait deux bâtons de hockey, puis il y avait écrit sur une bannière « Allons reprendre notre Saint-Jean ». Je te jure, pauvre comme Ontarien, dans les Simpsons, il manquait juste une fourche puis une torche, man. Puis là, il y avait une procession. C'est un serpent d'être humain. Puis je me rappelle, j'ai vu ça, j'ai pris mon bicycle, je suis allé le mettre comme de travers pour que le monde passe pas. Puis le bout que j'ai le plus ri, tu sais, je suis allé en avant, je fais « Qu'est-ce que vous faites là? »« Ouais, on a rien, c'est vrai! » Voyons donc, on lisse. Puis ils ont été obligés de comme faire le tour de mon bicycle et de pencher leur... Tu sais, de tenir la pancarte dans les airs, là. Il a fallu qu'ils se séparent. Et là, qu'ils tiennent... J'ai trouvé ça tellement drôle. C'est... Voyons, on s'en tabarnait. En tout cas, pis là, tout le serpent est comme passé d'un bord puis de l'autre de moi. Et j'ai ri, là. J'ai ri. J'ai passé 15-20 minutes à rire. Solide, tu sais. Et voilà, tout le monde est cool en Abitibi. Tout le monde est cool. Ça a-tu une fin heureuse? Le lendemain, Mazan, tu vas voir. Le lendemain, on a lu dans le journal des Ontariens étaient en ville pour foutre le trouble. Ils étaient réellement venus voler notre Saint-Jean. Ben oui. Fait que là, tout le monde était cave. Tout le monde était cave. Il n'y avait personne qui n'était pas cave. Ça a été ma plus belle Saint-Jean à vie. Ouais. J'aime tellement ça, la raconter, cette histoire-là. Tout le monde est cool en Abitibi. Ben oui, c'est pour ça que je suis parti. Tu sais, c'est quoi tu veux dire? Et puis ça veut pas dire qu'ils sont pas tous cool, là, tu sais. Juste, en tout cas, ma gueule. On est-tu prêt pour le prochain? Bon scénario de film. Il y a de quoi faire, oui. Ils sont oui, super prêt. Abrutis, là, il y a sa pancarte. En tout cas, next, Jonathan Simon. Hey, t'as-tu trouvé un billet de loterie? Ah, tu il est signé. Ah, ben, il est signé. Il est signé. En tout cas, on s'en reparle si je gagne. T'sais, Joyeux Bruno, Québec! J'allais gérer ça. C'est bon. Yes! Joyeux Québec, beau chapeau! Merci, merci. Salut, Mathieu. J'ai mis mon chandail. Ben oui. T'es vraiment passé au Dolorama. Le Québec! Hey! Le pote! Ben, c'est juste ça que j'avais, mais c'est pas grave. Le Québec! Ouais! Je vais vous parler de la Saint-Jean-Baptiste parce qu'on aime le Québec! Je vais vous parler en Gaspésie. Ben, tu sais, on fête toute la Saint-Jean partout au Québec, mais en Gaspésie, c'est vraiment spécial. Puis je voulais vous parler, genre, comment qu'on fête ça, la Saint-Jean, puis comment vous pouvez fêter la Saint-Jean, vous aussi, si vous allez en Gaspésie, où c'est que vous pouvez aller, puis tout. Fait que je vais vous parler de la Saint-Jean-Baptiste à Capcha. Fait que, juste pour vous dire, premièrement, le lieu de la Saint-Jean-Baptiste à Capcha, c'est... Tommy, c'est où que tu ferais ça, une Saint-Jean-Baptiste? Genre, une fête de la Saint-Jean-Baptiste, là. Ben moi, je me souviens, en 1995, une fille avec laquelle je suis allé au secondaire, elle avait une pancarte, puis il était écrit « Pib de la Saint-Jean, 10 piastres ». Puis là, je suis allé la voir, j'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Elle a dit « Ben, j'ai fait 50 piastres à date. » Et j'ai vraiment beaucoup ri, là aussi. OK, puis elle était où avec sa pancarte? C'était au Belvédère à Val-d'Or. C'est quoi un belvédère en réalité? Ben, c'est comme le top de la. Hey, c'est lame, là. Va pas là. Va pas là juste pour ça. Okay. Un belvédère, c'est une place où tu vois tout. Puis à Val d'Or. Ouais, mais Tommy, peut-être qu'il est encore là. Non, je pense pas. Peut-être rendu milliardaire, là, avec tous les Saint-Jean-Baptiste. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Ouais, c'est où que vous ferez ça, vous autres, une Saint-Jean-Baptiste, hein? C'est où que vous pensez qu'on fait ça? Ouais! Ben, à Capcha, ils font ça à la halte routière. La halte routière. OK, ouais, t'as gagné. Gars, t'arrêtes là, tu vas aux toilettes, tu vas fêter à Saint-Jean-Baptiste. C'est... Puis, c'est ça, tu peux manger un... Ben oui, c'est ça. C'est déjà, ça. Capcha, c'est pas l'immense ville. Ben, c'est très énorme. Tu sauras qu'on est 8000 habitants. Puis à Saint-Jean-Baptiste, on est 12000. Non, wow. 8000, Chris, tu fais tout le temps ma crédibilité, j'essaie de nous vanter un peu. Dissension, si. Ben t'as pas besoin d'être plus pour être meilleur. Hein, ça a été prouvé plusieurs fois, ça. Bon. Saint-Jean-Baptiste, avec la Capucha, il fait ça sur deux jours. Le 23 et le 24, on s'entend, puis le 23, c'est genre plus soft. Tandis que le 24 juin, c'est vraiment hardcore, là. Fait que le 23, c'est comme une pré-Saint-Jean. Mais tu sais, là-bas, là... La première chose que tu peux voir, parce que si tu vas à Capcha, c'est la première chose que tu vas voir à Saint-Jean-Baptiste, c'est qu'ils crissent un gros chapiteau jaune à halte routière. Fait que c'est vraiment pas manquable. Si tu vas à Capcha, tu vois direct un gros chapiteau jaune. Dans le chapiteau jaune, il y a de la bière, puis des gens du village qui pognent un instrument puis qui vont jouer de la musique. Fait que il y a pas de... Les bands, c'est des habitants. C'est quand même le fun. C'est tout du monde qu'on connaît, puis on se passe la poque. Fait que pour ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Sinon, autour, il y a des jeux pour enfants. Mais si vous êtes un enfant, mais sinon, je ne suis pas... Tu peux jouer pareil aux jeux pour ben, enfants. Tu peux jouer, ben, pas tu vas gagner en plus, c'est le fun. Mais ben non, mais genre les jeux gonflables. Là, pis, ça, c'est encore mieux. Ouais, c'est sûr, mais pense pas qu'on peut en tout cas. T'es rendu trop grand. T'es... Ouais, c'est ça. Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est vraiment basique le 23 juin. Il y a des hot dogs sur le barbecue. Sinon, il y a une file pour aller aux toilettes. Comme à chaque année, à chaque jour, en fait, en tout cas, à chaque Saint-Jean. Sinon, un spécial, c'est que tu peux faire de la drogue dans le cabanon, mais genre juste à partir de 8h30 quand il fait assez noir, puis qu'il n'y a pas de jeunes, puis tout. Tu sais, le 23 juin, c'est assez soft, là. Il n'y a pas d'activité vraiment. Tu vas là, puis tu chilles. Mais le 24 juin, par contre, première chose, à 10h le matin, il y a une ride de vélo du Club Optimiste. Tu pars de l'église. Puis eux autres, ils arrivent, ils te font faire un petit 2 km, puis ils t'amènent dans le bois, jusqu'à une maison où est-ce qu'ils te donnent des Mr. Freeze. Genre, tu pars de l'église, tu t'en vas dans le fin fond du bois, puis tu manges des Mr. Freeze. Tout est pas dépensé. Sérieux, s'il n'y avait pas plein de monde qui participerait, ça serait bien plus louche. Ouais, mais c'est ça, mais tous les jeunes participent, c'est ça, c'est tous les jeunes. Puis il y a aussi le gros Chagnon, si lui avait genre 20 ans, nous autres, on avait 10 ans, c'était le seul de cet âge-là qui allait, il mangeait toutes les popsicles, toutes les Mr. Freeze. Aujourd'hui, il est en prison, fait que on se demande pas pourquoi. On le salue. On le salue, Chagnon. Hein? Ben, ça a un petit peu un rapport avec les... Si tu prends Chagnon, des jeunes de 10 ans sur un vélo, dans le bois, si tu fais un mix, je pense que tu mélanges tout, ça peut marcher. Il était très à l'aise de participer à cette course de Mr. Freeze. Ouais. Très à l'aise. Sinon, c'est ça, la course, la ride c'est de vélo. Après ça, t'avais encore le gros chapiteau, c'est sûr. T'avais le groupe de musique, le jeu pour enfants, l'Iodoc. Ça n'a pas changé, c'était là la veille. Mais là, il y a de quoi de spécial. C'est qu'après le tirage en après-midi, ils faisaient un tirage d'un méga vélo de la mort qui tue pour tous les participants de la course. Mais l'affaire, c'est qu'on n'a jamais vu c'était qui gagnait le vélo. À chaque année, on sait jamais c'est qui le gagnant. On voit jamais le tirage, on voit juste qu'à un moment donné, le vélo... On voit jamais le BC en ville. Le vélo, il est là. Mais à un moment donné, il disparaît puis on sait pas il est où. C'est ça, il y a un vélo qui est tiré, mais sinon, il donne des ballons, des frisbees pis tout. Là, j'ai gagné un ballon de soccer quand j'avais 9 ans, mais tu sais, le fameux vélo n'existe pas, fait que c'est une crosse Fait que je sais pas. Il ben, y a une enquête à mener, peut-être. Parce que c'est pas trop long en plus, parce qu'à 2000 habitants, à un moment donné, un vélo par année. Tu peux aller voir tout le monde. Hein, ben, ça, en 2000 ans, on devrait être chill. Tout le monde a son nouveau vélo. Fait que, étant donné que le cabanon est utilisé pour afficher le vélo pour faire le tirage, ben, tu peux pas aller faire de la drogue dans le cabanon, Tommy. Fait que tu s'en vas en dessous du pont. Fait que tu vas faire. Tu vas sniffer, tu vas. Aspirer, faire de la, faire de la drogue, là, ouais. Tu peux faire tout ce que tu veux là-bas. Puis finalement aussi, il y a le petit gros feu. On crisse le feu. Ça a l'air qu'ils font ça un peu partout. Je pensais que c'était juste chez nous, mais ça a l'air qu'ils font ça un peu partout au Québec. Ils font un gros crisse de feu. Puis on en regarde ça. Fait que c'est ça, il y a le gros crisse de feu. Puis ça, c'est drôle, c'est que il y a 3 ans, en 2014, j'avais retourné à Saint-Jean, genre le 23, j'étais en Gaspésie, ça a donné. Fait que j'étais allé virer une brosse. Puis, il y a quelqu'un, un voyou, qui a allumé le feu le soir de la Saint-Jean, mais le 23. Et non le 24. Mais le 23, il n'y a personne qui va là le 23. C'est tout le 24, le feu. Fait que quelqu'un a allumé le feu le 23, puis il a scrappé à Saint-Jean-Baptiste en 2014 de Capucha. Fait que je voulais juste dire à ce petit bum-là, fuck you. Mais ça reste, c'est passé, c'était une belle Saint-Jean quand même, puis c'est pas un feu allumé qui va scraper ma flamme pour le Québec! All right, c'est dit. Et la Saint-Jean à Capshaw. Merci, Mathieu Portalance. La Saint-Jean, hein? On n'a pas les Ontariens qu'on veut, on a les Ontariens qu'on mérite. Là, c'est un petit bum. Allez, on passe au prochain, Jonathan. Étienne commence à être jacuzzi. Je commence pas. J'ai déjà commencé. Vas-y, impressionne-nous. Je peux pas t'impressionner parce que mon douchebag est là au lieu d'être là-bas. C'est vrai, des fois, il te fait du beat. Ouais. Il me fait de l'hostie de bon beat. C'est vrai. Merci. Non, pas de farce. Si vous applaudissez pas pour lui, je vous pète la gueule. Merci. Élise. Hey, toi, t'applaudis aussi. Toi aussi. Hey, applaudis. Bon, toi, c'est à ton tour. Oh, toi, tu comptes pas. OK. Non, mais on le veut pas, lui. Non, mais anyway, je pense que t'as réussi. Là, on peut passer à d'autres. Anyway, je l'aime quand même. Enchaîne, on a déjà busté, là. J'ai mal à mon Québec. Ah, mais on était-tu pour dire, excuse, t'es noir, je peux pas te prendre, je vais avoir de l'air raciste. Ah. Je sais pas si c'est de même que ça marche. Là. Non, mais le jeune, il faisait partie d'une équipe de football dans un collège qui est noir à 80%. Son coach a décidé, les boys, on va être volontaire pour la Saint-Jean. Peu importe ce qu'ils nous demandent, on le fait. Toi, neg, tu vas pousser le chariot de la Saint-Jean avec la Madame Blanche dessus. Le coach est noir. Entre eux autres, ils peuvent, là. T'as le droit de dire nègre en nègre. Ben oui, mais... On passe à d'autres choses, là. C'est de calice. Non, mais... Il y a un de mes coworkers cette ça, semaine... Ça, ta chronique, pour vrai, ou... Non. Calice, man! Ça, c'est juste parce que c'est la Saint-Jean à soir. Venez semer le malaise, là. On t'écoute, là. Focus. Il y a un de mes collègues cette semaine, un haïtien, il m'a dit « Étienne, t'es borderline raciste, toi. » Il était généreux, hein? Amnesty! Fait que, Georgie, demain, je te fais... Non, demain, je suis pas là. Jeudi, je te fais écouter le skip, parce que c'est sur Internet, hein? Douteux.tv, sur non, Facebook. Ça va être coupé... Ça va être cool, Bruno, faut qu'on se fasse une chronique. Ah oui. Hey, c'est ta chronique, c'est-tu de faire des chroniques? C'est ça? Ouais, c'est Non, mais à soir. On salue ton collègue haïtien. Ah ouais, il fait, là. OK, je vais caller l'informateur de Buckingham parce que normalement, je suis supposé te parler de la fois où t'as failli me tuer. Tu sais, sur le pit de roche de la mine Sullivan. Ah oui, t'as démontré ton agilité. Ouais, ouais. Fait que l'informateur de Buckingham, Simon Portalance. Ben oui, il manquait un gars des... c'est quoi? Des musclés. Les costauds. Les costauds, les costauds. Non, c'est pas un cover band des musclés. Salut, ouais, tentative de meurtre, ça pourrait être pas pire de vendre ça au sac de chips. Je pourrais me faire 200$. Au moins. Hey, écoute, là, c'est la chronique, là. Ouais, là, c'est la vraie chronique. Ça, c'est préparé, ce bout-là. C'est là qu'on est à l'aise. C'est là qu'on est à l'aise, ouais. Il n'y aura pas de malaise. Il n'y aura pas de malaise, ouais. Hey, écoute, moi, j'ai récolté quelques petits ragots à propos des gens qui font 70%. Ah ouais, j'écoute. Toutes des ragots sur des personnalités qui sont pas assez connues pour être vendues à Éco-Vedette. Fait que je vais vous les donner gratuitement. Savais-tu ça, toi, que Bruno Corbin, lui, il a déjà eu des cheveux? Oh, désolé, je m'excuse. Ouais, lui, il a déjà eu des cheveux, hein, tu savais-tu ça? Ah ouais, ses cheveux pouvaient pas l'endurer, ils sont partis. Est-ce que ça paraît que tu lis pas? Ben oui, c'est ça qui est arrivé. Ouais. Quelle préparation. Toute une préparation. Hey! Tu sais que Simon qui sonnait, ce n'est pas son vrai nom? Ah ouais, pour vrai? Merde, je savais pas. Non, il a un prénom japonais. Ah ouais, il s'appelle Bernard Minet? Non, il s'appelle Ken, comme l'Américain dans Street Fighter. Ah ouais, c'est cool ça. Hey, Chris, pour vrai, Ken. Ken le survivant. Hey, Chris, moi j'ai de quoi de pas pire pour toi. Tu sais, Jean-Sébastien Godette, là, maintenant, ça devient qu'on ne sait plus. Des fois, il s'appelle JS, des fois, il s'appelle Kevin, des fois, il s'appelle Eric Carmen. C'est quoi son problème à lui? Est-ce qu'il serait schizophrène, lui? Ça expliquerait bien des... Hey, regarde, je vais faire la même affaire que toi. Hey! Savais-tu que... OK. Savais-tu que Mathieu Boudreau n'a non, pas... Non, t'es allé trop loin, non, on est rendu. Alex, t'en skip un peu. Tu sais pourquoi il... Ah, ben, excuse-moi, j'ai sauté une ligne. Ce n'est pas grave, Simon. D'ailleurs... Tout ceci n'est pas préparé. Sais-tu pourquoi Kevin parle autant de Pierre Duquette? Oui, parce que le pénis de Pierre Duquette goûte le fromage. Ah! Rapport. D'ailleurs, attends, je sais. Moi, je sais mon texte, mais je vais faire comme je le lis même pas. Mais moi, je sais pas, pas en tout. Là. Hey! Ah non, mais on a préparé ça, là, genre, combien de temps? Là? Il y a 4 mois. 4 mois au moins, là. Non, mais pour ça, là, tu sais. Hey! Là, d'ailleurs, je vais en préparer une avec Bruno. J'ai eu l'autorisation d'Arnaud. Ça va être d'Arnaud. Malade! Fuck it. Hey! Ouais, merci, Tommy. Merci. Saviez-vous... Une chance que Tommy est là pour me ramener, là. Saviez-vous que Mathieu Boudreau n'a pas réellement un fils de 8 ans? Tout le monde sait ça. C'est une métaphore où son fils, c'est lui, et son père... C'est lui aussi. Hein? Non, attends un peu. Je ne comprends pas. Tout le monde sait ça. Ah. C'est une métaphore où son fils, c'est lui, puis lui, c'est son père. Ah bon? Je ne comprends pas. Toujours. Même après 2 fois. Attends, mon sel s'est fermé. On est rendu à Damien, là. OK. Hey, saviez-vous que... Chris, j'ai encore l'impression de ne pas lire. Hey, savez-vous pourquoi saviez-vous que Damien Blas-Bouchard a une diarrhée chronique? Ça s'appelle le superflu. Oh! Hey! Sais-tu que Jonathan Simon a déjà fait de la publicité? Consécration? Ben oui! Il jouait dans une... Chris, je regarde pas encore mon... Chris, il jouait dans une annonce de bière. Je ne plus dans mes chroniques. Hein? Il était une des deux mains qui donne un coup de boc de bière. Oui. D'ailleurs, Étienne, as-tu déjà remarqué qu'il n'y a que 4 ou 5 filles dans 70%? Mais là, pourquoi tu sautes à la fin, là? Parce que par-dessus le parce gag qu'on de Toto. Enchaîne, man. Hey, okay. Non, mais on va y revenir à Toto. On y revient à Toto, mais oh, okay. Ouais, ben, écoute, on improvise. Pas vraiment. On improvise l'ordre, genre. Moi, je n'ai pas le texte dans ma face. OK. Oui, on a seulement quatre femmes à 70%. Il y a Élise, il y a Marie-Pierre, il y a Coralie, puis il y a Audrey. Non, Audrey n'est plus là. C'est Marie-Pierre maintenant, franchement. Ouais, mais je l'ai nommé déjà, Simon. Il y a Marianne. Oui, Marianne, excuse-moi. Oui. Excuse-moi. OK. Phew. Merci. Hey, on l'a tellement travaillé, celui-là. J'apprécie. Donne une main d'applaudissement pour le fan là-bas. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, avec toutes ces filles, on préfère un spécial 70% 100% féminin. Tu veux dire que Tommy serait là et qu'il se mettrait des faux seins? Ça vendrait beaucoup aux 7 jours, un homme qui a des faux seins. Et pour terminer, avez-vous déjà remarqué que Toto n'est jamais au même endroit que Tommy Godet à 70%? Ça, c'est parce qu'ils sont comme dans un jeu vidéo où Toto, c'est le deuxième skin de Tommy. Ah! Dans le fond, c'est Tommy qui se déguise. C'est ça. Quand Tommy, il est là, mais que c'est pas Tommy, que c'est Toto. Tommy, il est là. Mais il est pas là parce qu'il est pas là. Ah, je comprends pas. Au revoir. On va y aller, je pense. Oui. On applaudit particulièrement Simon Portelance d'être venu sur le stage comme après ça, genre. Ah, sacrament! De pas juste faire comme... Ouais, fait que moi, non, ça me tente plus, finalement. Je ne sais pas trop ce qui vient d'arriver. Encore une fois, ça... Au moins, c'est fini. On peut regarder vers l'avenir. Oui, oui, oui. On a tous grandi. On a passé au travers. Ce qui nous tue pas... Non. OK, Jonathan Simon, on passe au prochain, vite. Non, mais calme-toi, là. C'est pas... Merci. Merci. Viens nous sauver, Mathieu. Bon, j'avais dit tantôt, hein, il y a une partie qui va s'effondrer. Moi, je suis là pour rebâtir. Toute une mission. Non, c'est pas, mais... Salut, Tommy! Salut, hein? Mathieu! GF, le gros! Yeah, man! Rock'n'roll, gros! Bruno? Salut, JS. Bruno? Ouais? La foule? L'Internet, hein? Hein? Qu'est-ce qu'ils ont, mes cheveux? Non, attends! La fille, elle me dit... Tu me le diras, tes cheveux sont trop longs et moi, je suis coiffeuse. Non, c'est moi qui décide quand est-ce que mes cheveux sont longs, OK? Pas parce que tu travailles avec moi, là, que... Ben, au moins, elle a dit, tu me le diras quand ils sont trop longs. Tout, Tommy, tout est possible. C'est vrai. Tout est possible, hein? Ben, suffit que Google entre dans le projet. Mais attention, ça risque de coûter cher, hein? Puis, bon, aujourd'hui, on le sait, hein, tout coûte cher, hein, tout a un prix. Hein. Puis que ça te coûte un bras ou une chemise, l'important, c'est que celle de l'archiduchesse soit encore sèche. Non, mais juste, ferme ta gueule. Tu l'as eu, ton 6 minutes de marde, ta gueule. L'important, c'est que les chemises de l'archiduchesse soient encore sèches. Demande à Martin Deschamps si on vient au monde avec toute la même chance. Le babouin malouin est bien loin, dirait la cruchelus au creux de sa bûche. Elle n'a rien à envier à la palourde plourde si lourde de bourde que dans sa bourse faite en ours, oups, d'oursin. D'oursin albinos, précoce, chef des bécosses, presque divin. La langue française ne rime à rien. Les Canadiens ne gagnent rien. Les politiciens ne changent plus rien. À quoi ça sert? À quoi ça sert de mettre de l'importance sur l'éphémère? Oui! Oui, peut-être que tu vas te sentir mieux. Oui, peut-être que c'est ça qu'il te fallait sur le moment, mais l'Association des massothérapeutes du Québec me l'ont dit. M'ont dit le gros! Gros! On y touchera pas, tes boutons pleins de pus. Laisse donc ça chez vous. Tout est possible. Tout! Tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout est possible. Suffit que tu y penses. Puis ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un crayon, l'arbalète, la montre bracelet, Éric Lapointe. Oui! Oui, Éric Lapointe, c'est une invention! Éric Lapointe, c'est une invention de Johnny Hallyday, qui, lui, était une invention d'Elvis Presley, qui, lui, était une invention d'un gars qui voulait faire du cash. M'a te le dit, moi, m'a te le dit, merci. Merci! Merci, René Angélil, de t'être occupé de Céline. Ça fait du bien de voir une femme à la tête d'une multinationale. Enfin! Enfin, l'égalité s'en vient! Deux à deux, match nul. Il n'y en aura pas de finish him. Finish him! À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Là, ça n'a plus de bon sens. Hein? T'as pas le droit d'acheter un œuf à l'unité, mais il n'y a pas de problème avec la bière. Dans quelle sorte de dépanneur on vit au Québec en 2017? Hein? Où c'est qu'ils sont, nos politiciens? Hein? Sont où nos Canadiens, hein? Et où ma langue française 101, Hanks? I don't know pas savoir. I don't know pas savoir. I don't know pas savoir. I don't know pas savoir. I don't know pas savoir. I don't know pas savoir. Wow. Super. Sérieux, Mathieu me fait peur ces temps-ci. Après son allégorie de la pizza, je m'ennuie de quand il parlait qu'il était un tueur à gage. Tabarnak. Ça va bien, hein? Ouf, et ce soir, il a mis le paquet. Ça fait une couple de fois que je le vois. Il m'assoit. Bravo, Mathieu. Là. Ben oui, Mathieu. Ouf, c'est Mathieu. On s'en reparle après, là. Bravo. C'est vrai, il a envoyé chier personne en plus. Peut-être que c'est ça aussi. Là. C'est ça, c'est spécial. On passe au prochain. Let's go, Jonathan, on passe au prochain. Go! Voici maintenant les nouvelles avec Bruno Corbin. Corbin! Corbin! Corbin! Les nouvelles. Hein? C'est ça. Let's go, man! C'est ce qui se passe. Un garçon de 7 ans du Maryland se pensait bien drôle quand il a décidé de monter sur le toit de sa maison afin de faire pipi sur le barbecue de son voisin qui était en train de faire cuire un steak. L'incident qui a été filmé par un invité du party barbecue a été rapporté à la police. Le garçon de 7 ans a été accusé de destruction malicieuse de propriété et a été condamné à payer une amende de 1 000 $. Ah, tu peux condamner des enfants à payer des amendes au Maryland. Ouais, ouais, on s'en doute, Étienne. Merci. Ton opinion est super importante jusqu'à la fin du show. Hein. Oublie pas de la mentionner tout le temps. Prends ça en considération. Ben, let's go next! Et on termine ça avec une bonne nouvelle, 70%. La Saint-Jean, hein, quand même. Alors, tu sais comment c'est stressant, là, un klaxon? Eh bien, des chercheurs de l'Université de Séoul se sont attaqués au problème de la pollution sonore et au stress causé par les klaxons de voiture, tentant de trouver un son de remplacement. Son de baisse. Après avoir testé plusieurs sons sur 100 candidats volontaires, il semblerait que le cancan du canard soit le son le plus efficace pour remplacer le klaxon dans le futur, bientôt sur vos Hyundai. Et d'ailleurs, si tu me permets, le cri du canard est un des seuls sons connus qui n'émet pas d'écho. Et il n'y a personne qui sait pourquoi le cri du canard ne fait pas d'écho. Ça s'appelle un cancan en passant. J'ai fait de la recherche avant de faire ma chronique, moi personnellement. Fait, j'aimerais ça que tu m'écoutes, s'il te plaît. Excuse-moi. On est quand même à 70. Donc, c'est ça, partir un cancan. Exactement. Ouais, okay. Sinon, juste avant de passer avec notre VJ de la soirée, Maxime Soriol, on va réécouter encore une fois le clip qui a été tourné au Musée de l'Absurde la semaine passée, qu'on a dévoilé la semaine passée. Sinon, merci beaucoup, JF Cardinal. Si on veut te suivre, on fait confiance à d'autres personnes qui vont te taguer dans leurs affaires. T'es ici souvent les lundis, fait que merci. Douchebag. T'es mon douchebag préféré avec Jocelyn. Sinon, merci Bruno. Merci à tous les chroniqueurs, sauf Étienne. Merci particulier à Étienne. Et puis, merci beaucoup à Stéphane Mallette et Jonathan Simon à la console. On va tasser nos petites affaires un instant. Et puis, on va commencer avec le VJ de la soirée. Maxime Soriol, vous le connaissez peut-être parce que vous suivez son Instagram. Sinon, il travaille à Vlog. Moi, mon nom, c'est Tommy Godette. Et c'est ça. Moi je me paye ta tête, toi tu payes la branche. J'ai des punchs qui t'accrochaient, personne s'en approchait. Fait qu'il y aura sûrement pas de featuring sur mon prochain projet. Aspect, avancez aussi pendant que vous dormiez. J'm'en crisse, moi j'étais élevé par rap New York. Quel Eldorado, j'ai rien à voir avec eux autres, ça pas rapport. J'veux rien savoir, j'ai jamais apparu dans vos radars. J'ai toujours la même vision dans mon panorama. Ma relation avec le rap, c'est pas parce qu'il est encore à mode. J'ai plus confiance. Tourne donc cette fois ta langue. J'ai plus confiance. Ils nous ont eu avec 100 ans d'avance. J'ai plus confiance. On est tous pognés dans la patente. Au-delà de toute attente, on a les yeux plus grands que la France. De Montréal jusqu'à Caraquette. Bienvenue dans mon cypher, dimension parallèle. Puis dis-moi donc qui rappe vraiment à l'aise. De Papineau, que tu sais, puis du flow. Puis tu t'en rappelles un phénomène rare. Y'en a qui sont pas faites fort, on accumule puis on explose. Quand ça pète, pow, on respire l'exhaust, le gaz c'est ton nectar. J'suis fait en vectoriel puis traîne avec tort. Dans mes souliers faudrait que tu marches même plus qu'un hectare. Ici donc commence à boire de bonheur puis on rectar. Oh puis fuck off, appelle-moi donc MC Ron Nextar. J'traîne pas avec les gars qui pensent qu'ils sont des stars. Pour ceux qui en doutaient, j'ai vu souvent le fond de la bouteille. J'avais plus que ça goûtait, puis les souvenirs qui se raboutaient. Avec la violence gratuite qui en découlait. Des affaires qu'on pourrait même pas raconter dans des couplets. J'ai plus confiance. Tourne donc cette fois ta langue. J'ai plus confiance. Ils nous ont eu avec 100 ans d'avance. J'ai plus confiance. On est tous pognés dans la patente. Au-delà de toute attente, on a les yeux plus grands que la France. J'ai plus confiance. Tourne donc cette fois ta langue. J'ai plus confiance. Ils nous ont eu avec 100 ans d'avance. J'ai plus confiance. On est tous pognés dans la patente. Au-delà de toute attente, on a les yeux plus grands que la France. Tu veux participer à l'évolution de Productions Podcast? Deviens partenaire et contacte les Productions Podcast en visitant la page Facebook Productions avec un S, Podcast, P-O-D-C-A-S-S-E, ou écris-nous à podcast@icloud.com. Fais partie de l'aventure Productions Podcast. Pour plus de détails, visite podcast.com. Mon nom, c'est Pierre-Luc Racine. Je suis à 70% et je trippe à 100%. Ah, je me suis rendu. Bonsoir tout le monde, Tommy Godette au micro, très content de vous avoir avec nous pour une autre édition de ce meilleur show gratuit du lundi au monde. Oui, je mérite au moins un applaudissement, merci beaucoup. J'ai dit un, là. Ok, merci. Sinon, avant de se lancer dans l'aventure, je veux qu'on prenne un petit bout de temps, on va faire tout le monde ensemble. Oh, mallette, ok? C'est en l'honneur de notre technicien Stéphane Mallette, sans qui rien de tout ceci ne serait possible. Donc, OK, 3, 2, 1. Oh, Mallette! Ah, c'était super bon, bravo! Applaudissez-vous! Wow! Donc, une soirée qui devrait avoir quelques rebondissements. On a un Marseillais dans la place. On a toutes sortes de personnes. On a un douchebag aussi comme invité, finalement. La soirée va se terminer. On va écouter l'excellent Action USA. J'en reviens pas. On a la version française. Merci à Pascal Grenier. Merci à Pascal Grenier. Ça va être... Ce long métrage-là, il est sorti en 95 et ça a l'air d'être sorti en 83. C'est l'histoire d'un jeune qui s'en va dans une ligue et là, il se fait tout donner et promettre. Et finalement, les méchants prennent de la dope, ils kidnappent sa blonde. Qu'est-ce que le gentil va faire? Il va aller botter, il va s'entraîner, puis c'est ça. On le sait comment ça se passe rendu là. Juste avant, on est très content d'avoir VJ Maxime Soriol. Encore une fois, ça n'est un, lui... Il est comme payé pour chercher des clips. C'est donc notre seul VJ professionnel, on peut le dire comme ça. Oui, il nous a préparé quelque chose qui devrait être semi pour la Saint-Jean, avec des guillemets partout. Je veux dire, on est tous très, très fervents québécois. Hein? On est une des meilleures équipes de curling au Canada. Juste après le Manitoba, l'Alberta, la Saskatchewan, le Nova Scotia, c'est le Québec. L'Ontario puis l'Ontario du Nord, c'est le Québec. On est une des meilleures équipes de curling au Canada. C'est ici, à Montréal, que ça se passe. Sinon, voilà, on aime beaucoup ça, le Québec. C'est une province qui fait la tête de la vache sur... Je pense que j'en parlerai plus, là. C'est... Et juste avant ça, on va avoir un 70%. Et ce soir, comme invité, on vous a un petit peu menti sur l'affiche. On va plutôt recevoir JF Cardinal, qui est un membre officiel des Douchebags et qui participe à plusieurs projets connexes de notre aventure. Ça va nous faire une belle jasette. Sauf que, pour commencer, avant de mériter le droit d'aller vers autre chose, on va devoir passer quelques instants avec notre monologuiste de la soirée. Et donc, vous allez l'accueillir avec de l'entrain, de la bonhomie et une bonne humeur vraiment remarquable. Mesdames et messieurs, c'est Guillaume Pelletier. Ouais. Meilleure présentation que j'ai eue, faut endurer le petit jeune! Fait que... Yeah! Alors, public de douteux, est-ce que ça va bien? Nice. La dernière fois que je suis venu ici, je vous ai parlé de mon voyage de canot camping où est-ce que j'insultais Serge Postigo. Fait que je me suis dit que j'allais continuer à vous parler un peu de ma vie, se présenter, faire connaissance. Moi, je suis comme tous les jeunes pauvres, c'est-à-dire que je travaille dans un fast-food. Et pour pas avoir de problème, OK, je vais pas vous dire le nom de la place, mais je vais vous donner un indice. Ça commence par un A, puis ça finit par un W. Vous faites vos conclusions. Non, mais au début, j'avais un autre plan professionnel dans la vie, mais j'ai réalisé que ça n'existait pas, des sugar daddy qui faisaient juste donner de l'argent. Fait que je me suis retrouvé à flipper des boulettes. Mais tu sais, c'est correct, j'aime ça. À force de manipuler de la viande morte à longueur de journée, je me sens un peu comme un Dexter BS. Une autre affaire aussi, par exemple, une autre affaire que j'aime vraiment de ma job, que ça je trouve cool, c'est que maintenant je suis un membre actif de la société. Parce que avec moi et mes collègues, on garde le 30% d'obèses au Québec intact. Ça c'est nice. Il y a lui qui me fait une clap à faire ouais, l'obésité! Yes! Ah, mais un autre truc que j'ai réalisé en travaillant là, c'est en fait j'ai réalisé comment on peut être heureux dans la vie. Le secret pour être heureux dans la vie, c'est faut que tu t'en calisses. Honnêtement, là, parce qu'on se soucie de tellement de choses dans notre vie de tous les jours. À un moment donné, là, t'as le droit de te poser puis de te dire « Je m'en fous qu'un enfant meure de faim en Afrique. » Pas tous les jours. Faut pas que tu fasses ça tous les jours. Mais c'est ce qu'on dirait qu'il y a du monde qui veut qu'on s'en soucie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par exemple, moi, ma mère, puis sûrement vos mères vous faisaient ça aussi. Tu sais, quand tu voulais pas finir ton assiette, hein, puis que là, ta mère, elle disait « En tout cas, il y a un enfant en Afrique qui l'aurait voulu, ce plat-là. » C'est comme « Ben, donne-y! » Je veux dire, Chris, moi, je ne veux pas de ces brocolis. Peut-être que Kirikou les veut. C'est pas mon problème. Parce qu'on s'entend que le but de cette phrase-là, OK, c'était de faire que tu te sentes mal pour que tu finisses ton assiette. Mais moi, ça avait l'effet contraire. Chris, je vole de la bouffe. M'a pas eu en voler plus! Maman, pourquoi tu l'as pas cuisiné pour lui? Envoyé dans un petit ziploc, voilà, Sénégal. Let's go! The fuck, maman? L'empathie, c'était ma raison pour être un connard quand j'étais enfant. Puis... Puis l'affaire, c'est à cause que le monde se soucie de trop de choses. Des fois, il y a du monde qui porte attention à des trucs. Et je pense que c'est ça qui cause les plus gros problèmes de notre société, comme le racisme. Qu'est-ce que ça te fout que la personne devant toi ait une couleur de peau différente? Est-ce que tu vas commencer à insulter des gens dans la rue parce qu'ils n'ont pas la même couleur de chandail que toi? Non, genre, « Ah, ce petit chandail bleu, il vole nos jobs! » C'est sûr, c'est son uniforme, tabarnak. Ça marche pas! Si tu fais ça, OK, le monde va te traiter de psychopathe. Fait que pourquoi, quand on parle de la couleur de la peau, tu te fais pas traiter de psychopathe, tu te fais appeler Monsieur le Président? C'est la cravate. Oui, ben, ça dépend de la job, là. On peut discuter là-dessus, mais j'ai des trucs à faire, dude. C'est quoi? Un autre problème qui est causé par ça, l'homophobie. Man, ça, c'est un concept que je comprends pas. Homosexuel, phobie, peur, la peur des homosexuels. Comment tu peux avoir peur d'eux? Ils sont tout le temps colorés et joyeux. C'est comme avoir peur des calinours. Ah. Puis surtout, à force de tout le temps se soucier tout, on finit par se limiter. Moi, j'ai une philosophie dans la vie, OK? C'est que tu as le droit de faire tout ce que tu veux dans la vie. Juste qu'il y a des conséquences, tu sais? Et souvent, la conséquence, c'est la mort. Tu sais, par exemple, je pourrais décider de me pitcher d'un pont pour voir c'est quoi l'effet. Mais si je le fais, je vais... Voilà. Tu sais, je peux décider de mettre un shotgun en pleine face pour voir quel effet ça fait sur ma face. Mais si je fais ça, je vais... Kurt Cobain. Si... Kurt Cobain? Je peux-tu t'avoler? Si je décide de manger des pilules d'uranium tous les jours, je vais... Non, je vais devenir un super-héros, man. Si vous avez jamais vu les films, moi, je fais ça depuis 2 ans. C'est peut-être pour ça la perte de cheveux, d'ailleurs. Mais c'est correct. Je sens les super-pouvoirs arriver si cracher du sang est un super-pouvoir. Mais par exemple, il y a juste une affaire, OK, que je vais toujours me battre contre et que je vais tout le temps m'en soucier. Un grand problème de société qui fait que des milliards de gens au travers de la planète souffrent chaque jour. La glace dans le liqueur. On peut-tu arrêter? Tabarnak! Parce que oui, au début, OK, ça ajoute un peu de fraîcheur à ton coke. Mais après 5 minutes, ça goûte la mort de l'espoir, OK? Merci. Si la déception avait un goût, ce serait ça. Puis en plus, le truc qui est décalissant, c'est que la glace, tu sais, c'est pas genre, ils piquent pas de la glace dans l'Arctique puis ils nous l'envoient. C'est fait avec des frigos. qui consomme de l'énergie avec plein de matériaux qui sont pas bons pour l'environnement. Fait que ça, ça va causer le réchauffement climatique, ce qui fait que les étés sont plus chauds, ce qui fait que tu as besoin de plus de glace dans ta cage. C'est un cercle vicieux! Le lobby des glaçons est trop puissant! Pour de vrai, je trouve ça ironique qu'on tue des ours polaires pour en avoir de dessiner ces bouteilles de Coca-Cola. C'est comme si un pédophile... Là, tu sais qu'une joke va commencer bien quand ça commence avec pédophile. C'est comme si un pédophile mettait lui-même la photo de l'enfant qui a capturé ses peintes de lait. Peut-être, non, mais peut-être un pédophile très sympathique, genre, allez, je vous donne une chance. Mais, voilà. Mais, moi, c'est moi qui fais les jokes, madame. Ils sont en train de faire des monologues en avant, je sais pas ce qui se passe. Mais, anyway, j'aime pas la glace en général. Par exemple, moi, j'aime pas le hockey. Parce que moi, quand j'ai une maladie spéciale, ok, je vais vous le dire. J'ai une maladie qui s'appelle la patino-gingivite. En fait, comment ça marche, cette maladie-là, c'est qu'à chaque fois que je mets des patins, je me pète la gueule! J'adorais juste le... Oh, c'était ça, la joke! Oh, mais pour de vrai, si vous voulez mettre de la glace dans votre liqueur, gars, rendu là, c'est votre choix. Mais pour moi, vous êtes quand même une mauvaise personne. Merci beaucoup, douteux. Guillaume Pelletier, mesdames et messieurs. Bonjour, ici Simon Chénier. Vous êtes à 70%, la meilleure place où je prendrai mes vacances. Tiens, là tes fleurs, je les avais cachées dans l'armoire. Pensais-tu de la sauver à soi? T'es mon bijou. Qui de ta bouche dorée. Ouais! Ouais! Ouais! Ah non, c'est con de vieillir. Eh oui. On fait ça parce qu'on est pauvres. Eh oui, mesdames et messieurs. Zéro cover charge à soir, mais vous vous tapez un encan. Ça veut dire que Mathieu Boudreau, mon bonsoir super costaud, va passer un espèce de boîte faites avec des VHS. Vous mettez de l'argent là-dedans, ça s'en va pour que nos techniciens qui sont pas là à soir arrêtent de chialer, puis qu'il y ait du matériel pour qu'on puisse faire l'affaire sur les internets. Non, mais la... Merci, Mathieu. C'est gentil. Fait que... On est pauvres! Douteux.org, donc... Avance, ouais, non, c'est beau. Organisme à but non lucratif. Ma bière, ça coûte de l'argent. Merci de contribuer. Roxane, c'est mon hôtesse ce soir. Alors, le premier lot, c'est quoi? C'est des cassettes. Non, c'est pas des cassettes VHS. C'est des super films. Des super films. Du super club Vidéotron. Non, pas Michael Scorsese qui a fait de la merde. Nicolas fucking Cage. Hein? Air Bagnard en français, s'il vous plaît. Ça, non, on n'a pas Snakes on a plane, mais on a le mauvais œil. Alors, moi, je vous rappelle, c'est une fois, deux fois vendu, ça monte par pièce. Ça vient ensemble, vous avez les deux pour le prix d'un. Qui me donne une fucking pièce là-dessus? 3 piastres. 3 piastres une fois, 3 piastres deux fois. Oh, 4 piastres à la mademoiselle. En arrière, hey, esti, Air Bagnard puis Mauvais œil de Nicolas fucking Cage. Nicolas Cage, on le veut partout, dans toutes nos mémés. Une pièce deux fois. Y a-t-il quelqu'un qui va sauver la madame avec 4 piastres? 5 $! Hey! Un chevalier galant des temps modernes. 5 piastres une fois, 5 piastres deux fois. 5 piastres vendues! Au monsieur là-bas avec le faux walk. Oh! Deuxième et dernier lot de la soirée. Un livre de Donjons et Dragons. 50 cents, moi je donne 5 piastres. 10 piastres. Mais attends un peu, c'est Codex c'est le Codex Marshall. Le guide des personnages combattants de toute classe. C'est de ça. Voulez-vous que je vous en lise un extrait? On est en famille. Ah oui, ouvre-moi un extrait. Hey, je suis vieux, moi. Je suis myope, tabarnak. Ah. Les coulisses de D&D. Les dons tactiques. Les dons tactiques sont plus compliqués d'usage que les autres parce qu'ils couvrent un large panel de situations et de nécessités ENT. Une préparation de la part des joueurs, le jeu en vaut la chandelle. Tabarnak. Moi, je donne 5 piastres là-dessus. Qui m'en donne 5 et 1? Écoutez, dans la vraie vie, là, c'était genre donné sur Internet si tu t'abonnais à quelque chose. Je veux dire, ça n'a pas de prix, là. Hostie, mais capote, tabarnak, je veux pas. 5 piastres une fois? Non, mais c'est le dernier lot de la soirée, là. Après ça, je m'en vais. OK, je l'achète 5 piastres, merci. Tu l'as dit à 10 tantôt? Ben, je te le donne. Je te le donne à 10. Puis je paye 5. Merci, parfait. Fait que merci beaucoup. Mathieu Boudreau, il a déjà passé. Je ferme ma gueule, je laisse la place à Tommy parce que Tommy, dîner presque parfait. Il a pété ma capote! Merci beaucoup, Roxane. Merci à Étienne. Étienne Lapointe, mesdames, messieurs! Est-ce qu'on peut lui donner de l'amour? La pointe! Merci, Étienne. Et merci au gars super sympathique, dans le fond, qui vient de nous donner vraiment... Je suis célibataire, en tout cas. Je sais pas c'est quoi son plan de match, là, mais... Allô? Sinon, je parle rapidement du long-métrage qu'on va écouter. Ce n'est pas Action USA, c'est bel et bien Polyester version enjoual. Ouais! Calme-toi, Gilles. Le film va commencer. Vous allez tout de suite reconnaître une gamique qui était très à la mode dans les années 70-80. C'est le Scratch and Sniff. Moi, je suis assez vieux. Moi, j'ai déjà eu du Scratch and Sniff. Que c'était supposé être hot. La dernière affaire que j'ai vue de Scratch and Sniff, c'était le guide de Earthbound au Super Nintendo. Et dedans, tu pouvais sentir l'odeur du boss qui s'appelait le gros rot dégueulasse. Mais là, dans le film, quand tu allais voir le film au cinéma, il te donnait une carte. Et à l'écran, vous allez voir, il y a des codes avec des chiffres. Et tu étais supposé scratcher le chiffre qui te met à l'écran pour avoir comme l'odeur de marais, l'odeur de gaz, l'odeur de pète, l'odeur du parfum de la fille et tout et tout. Est-ce qu'il y en a un qui sentait le polyester? Je ne sais pas. Le polyester, ça me semble une odeur assez neutre. Sinon, John Waters, le réalisateur du film, c'est quelqu'un, genre. Si t'as jamais ouvert le Wikipédia de John Waters, là, fais-toi ça demain au travail pendant ta pause, tu sais, tu vas découvrir quelqu'un, tu sais. Ouais. C'est le dernier film de Devine, je pense, est revenu après. Devine, c'est sûr et certain que c'est la transe la plus célèbre de l'histoire du cinéma. C'est pas dans ce film-là qu'il va manger du caca de chien live. Je m'excuse, tu sais. C'est dans Pink Flamingo. On peut trouver du caca de chien qui se fait manger. Sinon, c'est quoi ça? Non, mais le film, c'est assez weird. Et l'aspect joual, le fait qu'ils vont dire « Voyons, tabarnak de grosse crottée, t'en se douer », c'est weird, là. Et la version qu'on va vous présenter, on la doit à un ami de Rouyn-Noranda qui s'appelle Marc-André Brûlé. Ouais, on le remercie beaucoup. Et là-dessus, il y a comme quatre autres villes au Québec qui vont écouter ça ce soir tantôt. On écoute... c'est ça. Vous avez voté pour... On est là lundi prochain. Merci. Salut, toi. À toi aussi, salut. Hein? We'll be right back.